Vivacité, ma radio complicité. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Bien le bonjour en ce samedi, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là, ça n'étonnera personne, c'était prévu. Nous sommes donc venus. Nous voilà à Arlon, nous sommes pleines des manœuvres à vélo à Arlon, mais pas que, puisque vous êtes les bienvenus si vous êtes dans le coin pour venir nous rejoindre et vivre cet après-midi hors du commun. Ambiance beau vélo de Ravel. Et ils sont sous l'arche de départ pour nous parler de la gallo-romaine quand on parle d'Arlon, de la source de la Semois bien sûr, puisqu'on en parlera aussi, pour nous parler d'un tas de choses. Et je vous vois avec des sangliers assez particuliers autour de vous, Adrien Olivier, bienvenue. Oui, attaqué par une horde de sangliers à clochette. Oh là là là là là là. Ça fait une ambiance du feu. Vous aviez déjà vu des sangliers à cloche, vous, Adrien? Non, non, j'ai cru que c'était les Gilles de Binche, mais avec une tête de sanglier. Jean-Luc Fonck, ils sont tous comme ça, Jean-Luc, dans la région, c'est un peu dingue. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, mais ceux-là sont quand même particuliers. Et alors, ils sont beaux à crever. C'est vraiment des sangliers, c'est des vrais sangliers qu'il y a là-dedans. Hein. Oui, oui. Et on ne peut pas voir à l'intérieur, et il y a des garçons et des filles. Le sanglier des Ardennes, c'est eux, en fait. Le sanglier des Ardennes, c'est eux. Et alors, tu sais, ils ont des cloches, des espèces d'apertin de taille. Est-ce qu'on dit les apertin de taille? Et alors, ils sont assez bruyants. C'est assez grave. J'imagine la personne qui allume la radio maintenant. Oui, on va leur demander d'arrêter. Oui. Voilà, parce que ça fait mal aux oreilles. Ce n'est pas Saint-Donat qui sonne. Oh là là. Moi, je suis avec... On dirait Saint-Hubert. il faudrait un corps de chat si tu veux pouvoir baisser. C'est merveilleux. Ah, je suis ça, à côté d'un Arlonnais pur jus, d'ailleurs, comme Jean-Luc Fonck, hein, qui, on le rappelle, est né ici dans la région également. Bonjour, Francis Collet. Bonjour, Olivier. Précision, parce que les gens sont très susceptibles ici. Fouchois avant tout. Hein. Ah. Donc, en fait, Arlon, c'est la petite ville qui se trouve à côté de Fouche. D'accord, donc il ne faut pas dire que les Arlonnais sont des Ardennais, sinon ils n'aiment pas. Ah non, ils n'aiment pas qu'on dise. Ce sont pas des Lorrains. Mais non plus, c'est des Lorrains. Oui. Ici, il faut bien faire attention, oui, le poids des mots. C'est une petite région très hybride, beaucoup d'influences allemandes, françaises, luxembourgeoises. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore votre nom, parce qu'ils ne lisent pas les génériques des émissions télé, vous êtes donc le producteur d'émissions télé du Beau Vélo. Oui, depuis 11e année. Oui. Est-ce que de temps en temps vous sonnez les cloches, vous aussi, Adrien? Ça m'arrive, oui, discrètement. Hein, je lui fais. Oui, je lui sonne une cloche vraiment très particulière, très intime. Mais ça, généralement, c'est dans la nuit du vendredi au samedi. Je lui dis, tiens, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Mais très gentiment. Hein, j'essaie. Je ne suis pas aussi diplomatique que lui, mais bon, enfin, j'essaie de faire des efforts. Pas aussi fort que les sangliers, heureusement, Adrien. Oui. Bah, lui, il a eu l'habitude de se lever très tôt aussi. C'est Jean-Luc, parce que votre papa était boulanger ici. Ah, mon papa était boulanger ici, un peu plus loin. On a eu deux boulangeries à Arlon. Ah, oui, bah, lui, il se levait à l'heure où tout le monde va se coucher pour que le pain soit froid, pour qu'on puisse le couper le matin. D'accord, vous nous ferez les tartines à l'arrivée? Je ferai les tartines à l'arrivée parce que bon, c'est un peu, si tu veux. Il ne voulait pas que je sois boulanger. Hein. Il m'a dit ne fais jamais ça, fais fonctionnaire, comme ça tu vois. Et alors évidemment, maintenant je vais faire l'andouille le matin, tôt à la radio, s'il savait ça. Donc je suis un peu le boulanger de la radio. Toi, c'est facile, tu fais l'après-midi, quand il fait beau et tout ça, pas en hiver. Mais nous, les vrais travailleurs, on se lève tôt pour aller faire la radio. Ah, je connais un autre qui se lève très tôt, moi. C'est Philippe Lorrain qui anime Luxembourg Matin. Ça. Bonjour Philippe. Salut Olivier, salut toute l'équipe, ça fait plaisir de vous accueillir à la maison. Ah ben oui, et alors l'année où on vient chez vous, vous décidez de rester à pied. Effectivement, et ça fait bien aussi de voir un peu les coulisses, l'envers du décor. Et pour la petite histoire, là vous allez prendre le départ, là où je gare ma voiture chaque jour vers 13h-13h30, quand je viens manger un petit bout ici dans le chef-lieu, je te jure, c'est là que je gare ma voiture. C'est votre voiture qu'on avait placée avec la dépanneuse hier en fait. D'accord, je vois mieux. C'était la sienne, Adrien. Est-ce qu'on ne monterait pas sur nos montures? Oui, je suis d'accord. Nous allons chevaucher nos montures à deux roues sur d'anciennes chaussées romaines. Sylvie, parce qu'on le rappelle, hein, oui. Arlon, c'est une cité gallo-romaine. Oui. Absolument, absolument. C'est ici aussi que la source, la Semois prend sa source. On aura l'occasion de le redire. Alors c'est vrai que, comme le dit Jean-Luc, on imagine parfois, lors de la balade des beaux vélos de Ravel, quelle qu'elle soit, quel lieu, voilà, dans n'importe quel lieu chaque samedi, puisque nous changeons d'endroit chaque samedi, On espère évidemment que les auditeurs peuvent comprendre ce qui s'y passe. Donc là, ce sont les sangliers arlonnais, qui sont déguisés, qui font et qui font vibrer leur leur sonnette. Allez, c'est parti. En effet, prenez vos montures pour 2 heures, 3 heures de balade. On va essayer de vous faire parler de tous ces villages avoisinants qui recèlent de trésors, de richesses, de tous ces produits gastronomiques, parce que l'un ne va jamais sans l'autre quand on parle de richesses. Étape spéciale Waifu. Donc on parlera aussi d'échanges interculturels, d'échanges linguistiques, puisque cap évidemment sur ces étudiants étrangers qui ont besoin de famille. Donc on aura aussi l'occasion de rappeler. On fait tout ça en musique. C'est comme ça que débute en général cette émission de l'après-midi. Voici Charlie Puth dans vos oreilles. Bon samedi à tous et bienvenue. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, pour commencer cette émission de balade. C'était exactement ça, c'est une balade qu'on va vous présenter cet après-midi. Et si vous n'êtes pas des nôtres, on va vous donner un maximum d'images devant les yeux. Alors la plus belle des images, c'est ce rayon de soleil qui s'installe, et c'est pas un cliché, il s'installe réellement en ce début d'après-midi. Alors c'est sûr qu'on va traverser une région que certains connaissent, que d'autres méconnaissent. Nous serons à cheval entre plusieurs province, entre plusieurs frontières, bien entendu. Et vous avez derrière vous, Olivier et Adrien, des compagnons qui vont bien vous aider. Oui, on va pas pédaler tout seul. Oui, heureusement, hein, sur nos tandems, c'est plus facile. Et celle qui nous a amené le soleil, c'est la fille de la météo, Marie-Pierre Moulignot. Comment ça va, Marie-Pierre? Bonjour. Mais bonjour, ça va toujours pour l'instant. Il faut dire que c'est le début de la balade. J'appréhende un petit peu. Je crois que ça monte dans la région. Est-ce que vous avez retenu le nom de la butte sur laquelle se trouve l'église Saint-Donat? Alors, attendez. C'est une quiz pour commencer, ça. Oui, c'est une colle pour commencer. commencer, n'est-ce pas, Olivier Coll? Quelqu'un peut-il m'aider? Je peux faire appel à l'équipe? Alors, on peut peut-être demander à Colette, hein, qui est notre guide derrière nous. Guide dans tous les sens du terme. Colette Lozman, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous allez nous guider. Alors, c'est quoi le nom de cette colline sur laquelle se situe l'église Saint-Donat? Dites-nous. Parce que... en patois luxembourgeois, la Knipschen. La Knipschen, ah oui, parce qu'il va falloir emprunter l'accent germanique aujourd'hui. Il faut dire que dans cette région, Colette, tout est un peu à la sauce germanique parce qu'il y a une histoire commune avec le Grand-Duché qu'on racontera tout à l'heure. Effectivement, oui. Pendant 6 siècles, nous avons vécu avec les grands ducs. Vous pratiquez un peu le patois luxembourgeois? Moi pas, malheureusement. Donc je ici, connais... en tout cas, quand on se voit le matin, on dit Moyen et pas bonjour. Voilà, exact. Bon ben, Moyen à tout le monde alors. Oui, Moyen à tous nos auditeurs sur Vivacité, des auditeurs que vous êtes contents de retrouver. Marie-Pierre, c'est un peu votre deuxième famille ici. Hein. Ben oui, je viens chaque année, hein, depuis maintenant 11 ans, exactement. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on était déjà venus il y a quelques années à Arlon et j'en ai un excellent souvenir. La campagne est merveilleuse. Oui, oui, oui, avec ces cuestas qui donnent au paysage son fabuleux relief, Sylvie. Un peu comme vous, hein, une fille qui ne manque pas de relief, eh bien, Arlon est une ville qui ne manque pas de relief. Comment je vais le prendre? Mais non, de relief, voilà. Il n'y a rien de pire que les choses plates dans la vie. Vous voyez, des trucs sans relief. Ne vous enfoncez pas. Enfoncez-vous. Il faut du relief, il faut des courbes. C'est un homme qui sait parler aux femmes. Hein. Marie-Pierre, c'est parce que vous êtes là. Il n'est pas comme ça en général. Hein. Donc, voilà. Il retrouve des vieux réflexes. Vous lui donnez de l'inspiration. Moi, je vous laisse partir, donc on a bien compris. Ce matin, oui. Adrien est arrivé avec sa tenue façon années 90. C'est un petit indice pour que vous verrez demain au début de l'émission télé à 13h35. Oui. Et apparemment, ça fait déjà rire Marie-Pierre. C'est presque alerte à Malibu, hein, c'est son choc aujourd'hui. Arlette. Mais puisqu'on parle de relief, ça tombe bien avec Pamela Anderson. Bon, allez, je vous laisse partir hein, vers ce que vous devez du coup, découvrir Sylvie, et faire partager. Rouge. Oui. Bon, coupez leur micro, voilà, comme ça on va pouvoir mettre une petite pause et puis surtout vous dire que c'est parti pour 23 km. Alors, en général, quand ça démarre comme ça, vous allez vraiment nous écouter avec beaucoup d'attention jusqu'au bout, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a une chouette ambiance qui règne ici avec ce soleil malgré tout. Et j'espère que vous pouvez en profiter là où vous êtes en cet après-midi. Nous sommes à Arlon et nous ne sommes pas prêts de partir d'ici. À tout de suite. Tu as réussi ta 6e technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ecnas.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce samedi, dès 18h, Courtrai, Club de Bruges et Moucron-Perruet, Saint-Tron. Et dimanche, dès 14h, Eupen, Anderlecht et La Gantoise, Westerlo. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Vous voulez mon avis? L'actualité est ce qu'elle est. Parfois grave. C'est l'annonce du décès d'un jeune Belge. Parfois moins. Mais dans tous les cas de figure, il vaut mieux la commenter pour dédramatiser ou tout simplement parce qu'on a le droit d'avoir un avis. C'est vous qui le dites. Je suis Benjamin Maréchal et c'est vous qui le dites et de retour. Tous les jours, du lundi au vendredi, pour vous écouter. Moi, je m'occupe pas des autres. Moi, c'est moi. C'est pas de la solidarité, c'est de l'intérêt. Écoutez, je sais pas si on a peur, mais on n'est pas franc, hein. Vivacité à hâte. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Fanny? Oui, monsieur? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim? À quel sujet? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier? Justement. Appelez Convert. Ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Sophie, ça va? Hein? C'est bon la confiture materne sur les doigts? Non, oui, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et sur une tartine, t'as déjà essayé? Ah oh, bah oui, c'est encore meilleur.

la plus ancienne? Parce qu'il y a un grand débat, Colette, entre Tongres et Arlon. Voilà, bah écoutez, on va dire que c'est plein de choses. Execo, alors. Voilà, les deux villes sont très très anciennes, ont des origines gallo-romaines. Ah, moi, je me souviens, en tout cas, Colette, quand on était à l'école primaire, qu'on devait apprendre qu'à Arlon, on avait retrouvé en labourant des bas-reliefs qui sont maintenant dans un musée qu'il faut venir visiter. Absolument. On commence à vous perdre. On commence à vous perdre. Malheureusement, ça va être... Bas-relief d'une qualité... Difficile de... Non, je préfère qu'on vous coupe et peut-être... On essaie de vous retrouver un petit peu plus tard. Bah justement, René Collin, bonjour, bienvenue. Bonjour Sylvie. Vous avez déjà entendu tout ce qui vient d'être dit hein, en tant que ministre de l'Agriculture et du Tourisme. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Évidemment que c'est bon. C'est à Arlon, donc ça ne peut être que bon. Oui, c'est ça. C'est parce que nous sommes à Arlon. Alors, j'aimerais bien, en tant qu'énuyère, peut-être, quand on parle des cités les plus anciennes, parler de Tournai, parce que je pense que Tournai en est une aussi. On parle ici beaucoup chaque semaine, grâce à vous, bien sûr, grâce à tous les producteurs qui sont là, grâce à la PACW, de toutes ces richesses dans chacune des régions qu'on traverse. Et on sait que ça fait plaisir, on sait que maintenant, c'est une réalité, c'est une certitude. Il y a ceux qui viennent pour le vélo et il y a ceux qui viennent pour tout le reste. Et ceux qui viennent pour le vélo et pour la gourmandise. Aussi. De toute façon. Quels sont les produits incontournables? On a parlé tout à l'heure de la confrérie du Métrangue, bien entendu. Le Métrangue, évidemment, il est lié à l'histoire d'Arlon et c'est un produit qu'on ne trouve qu'à Arlon. Mais alors, vous avez évidemment aussi tout près, pour ceux qui veulent se désaltérer, vous avez les vins de Torny. Oui. On a des vignobles dans la Gaume qui est vraiment toute proche. La Lorraine et la Gaume sont deux sœurs. On a évidemment le pâté gommé qui est aussi tout près. Et puis on a toutes les salaisons, on a des fromages, on a toute une série d'excellents produits comme partout en Wallonie, avec évidemment aussi des confréries pour les mettre en valeur. Et vous avez cité la confrérie du Métrangue, c'est une des plus anciennes, des plus illustres. Vous êtes aussi pas bien loin d'Orval ici. Je serai tout à l'heure à Chasse-Pierre, qui est un festival de la rue exceptionnel. Oui. De nouveau... On a la preuve que partout en Wallonie, on a une vie sportive, culturelle, folklorique qui est formidable. Et on a besoin pour ça d'avoir des forces. Donc il faut des gourmandises. Et c'est toujours au programme, bien entendu, ces choses-là qui font qu'on se ressource, bien entendu, et qu'on repart avec son petit panier bien garni. Alors Arlon, évidemment, et toute cette région qu'on va traverser aujourd'hui, ces villages au nom un peu moins connu qu'on va approcher. Et puis aussi cette incursion au Luxembourg, bien entendu, puisque là, nous sommes vraiment à cheval sur deux pays. Deux pays qui ensemble n'en formaient qu'un, puisque bien sûr le Grand-Duché de Luxembourg et la province de Luxembourg ont été pendant l'histoire très liés, avec le passage à l'abbaye de Clairefontaine. Oui, c'est un haut lieu qui est lié à l'histoire de nos deux régions, avec Hermesin, dont on vous parlera certainement tout à l'heure, avec ce beau pays de la Gaichelle. Ce sont des routes qui sont connues de toutes celles et tous ceux qui aiment le vélo. Et ce qui est évidemment génial dans le beau vélo de Ravel, c'est qu'on a des personnes qui viennent de tous horizons, de tous les terroirs de Wallonie et bien d'ailleurs, et qui découvrent pour la première fois des routes bucoliques avec du patrimoine, avec, on l'a dit déjà, l'occasion de goûter les produits de terroir, mais avec aussi ce sentiment de partage, c'est ça le beau vélo de Ravel. Tout à fait. Et c'est ça qui est passionnant. On a l'impression que chaque semaine vous faites la balade, hein, parce que ou alors vous lisez très très bien le livre, ou vous êtes très très bien renseigné, mais vous avez fait vraiment le topo ici en début d'émission de tout ce qu'on va voir. Alors vous êtes aussi le président de la grande région, donc c'est sûr que vous en parlez aussi en ce nom-là. Et je pense que cette association, et c'est pour ça que vous êtes déjà venu à Vielsalm, hein, cette association et votre présence le plus souvent possible, ben, on est une belle vitrine hein, en tant que ministre dans vos compétences. Je pense qu'on s'inscrit exactement dans la mission que vous poursuivez. Une vitrine formidable et ce sera encore le cas l'année prochaine puisque cette année-ci c'était l'année thématique pour le tourisme du vélo. Et l'année prochaine j'ai décidé que c'était la Wallonie gourmande justement. Voilà. Donc le vélo a toute sa place évidemment pour aller à la rencontre de nos bons produits comme vous le faites tous les samedis

Golding sur Vivacité dans le cadre de cette 8e étape du Beauvais de Ravel. Nous sommes à Arlon, balade de 23 km, les villages de Guirche. À mon avis, vous y êtes déjà. Je ne sais pas à quelle allure vous roulez. Le village de Frassem aussi, je pense que vous l'avez déjà passé. Bref, oui. Est-ce que vous avez ce magnifique panorama sur la région du Grand Duché, oui, du Luxembourg à Bastogne? Est-ce que vous y êtes? Oui, on est à Guirche, effectivement, c'est époustouflant. Nicolas Noblet, vous êtes du coin, vous êtes même artisan, fabricant de cadres cyclistes. Oui, c'est ça, c'est mon métier depuis 4 ans environ. Ça vous change de la banque, non? Ah, c'est contrasté, hein, complètement, oui. Comme beaucoup de jeunes du coin, vous travaillez au Luxembourg avant? Ouais, comme beaucoup de gens, ouais. Vous avez gagné un peu d'argent et puis vous avez créé votre entreprise? Tout à fait, ça c'est bien résumé. À un moment donné, ça devient long, quoi. On est assis toute la journée, on bouge pas beaucoup, alors on essaie de compenser à midi, on fait un peu de sport le soir et tout. Mais ça suffit pas, et puis j'avais besoin de bosser avec mes mains, en fait. Ouais, et vous fabriquez des cadres, c'est quoi? C'est de l'alu? Alors c'est de l'acier. Ah oui. C'est de l'acier, c'est une matière qui se travaille très très bien. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout obsolète. Les nouveaux aciers sont très performants. Et voilà, c'est un super boulot. Vous faites du sur-mesure, en fait? Entièrement sur-mesure, ouais. Aussi bien évidemment la taille de la personne, mais aussi quand on parle de sur-mesure, on se rend pas compte, mais c'est surtout l'activité, quoi. Ça, oui, dépend vraiment de l'activité. Alors j'adore l'atelier au début était rue Zénobgram, ouais, qui est l'inventeur de la dynamo. Ouais, exact. Et puis fabriquer des cadres cyclistes, ouais, rue Zénobgram, bravo. C'est vrai, j'avais pas vraiment pensé au départ, mais exact, c'est juste. Bon, Olivier, oui, je vous laisse avec Colette, parce que moi je vais filer en télé, je vais m'en faire un plateau ici à hauteur de cette chapelle. Demain, avec... Vous parliez, Adrien, ouais, justement, du nombre de Belges qui vont, comme votre invité, travailler notamment dans le secteur bancaire au Luxembourg. Colette, pendant des chiffres, hein, par rapport à ça, 39 000 Belges passent chaque jour la frontière. Alors quand on annonce des files le matin à Stock et Marlon, faut pas s'étonner, Colette. Absolument, c'est tout à fait catastrophique à certains moments. Il faut prévoir un long laps de temps pour arriver à Luxembourg. Et il y a aussi des Français, ils sont 70 000, un peu plus de 30 000 Allemands qui rentrent au Grand-Duché tous les matins. Il y a vraiment, comme l'a dit le ministre René Collin tout à l'heure, un rapport très important entre le Grand-Duché et la région d'Arlon. Un rapport historique parce que vous avez quand même 6 siècles d'existence commune. Voilà, depuis donc le mariage d'Hermesinde avec Gualeron d'Arlon. Eh bien, il y a donc un passé commun jusqu'en 1839. Bon, juste après la création de la Belgique, alors. Voilà, en 1839, Arlon est choisi comme chef-lieu de province du Luxembourg. Et pour le même prix, bah, ça faisait partie du Grand-Duché. C'est des choix historiques, évidemment, avec une frontière qu'on a tracée pratiquement de manière arbitraire. On verra d'ailleurs une belle borne tout à l'heure. Je vois juste après le village de Guirche, ici. Oui, nous entrons dans le village de Guirche. Qui est un village classé, vraiment typique, avec un habitat qui... est bien représentatif de l'habitat lorrain. Tout à fait, vous allez voir l'habitat tout à fait typique de la région, en belle pierre calcaire, et également donc des fermes qui sont placées autour du château. Voilà, le château érigé en 1749 par André de Marche. Et alors, on vient de franchir, et on n'est pas peu fiers, Sylvie, parce, oui, que vous entendez que nos voix sont un peu essoufflées, oui, la première des cuestas. Je me suis demandé pourquoi on employait ce terme espagnol ici dans cette région pour définir ces côtes typiques de la Lorraine? Eh bien, ce sont les géologues, les géographes qui ont donné ce nom espagnol. Et en fait, il s'agit d'une côte. Il y en a 3 en Lorraine belge. Elles sont tout à fait typiques de la région par rapport au plateau ardennais, qui se trouve à votre gauche. Et qu'est-ce que muy bien? Ok. Non, mais j'écoutais, j'essayais de voir si vous pouviez suivre Colette en espagnol dans le texte, du coup, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Sylvie, on va continuer en français, ce sera peut-être plus facile. Alors que nous allons aller chatouiller de près la frontière, justement, avec le Grand-Duché voisin de ce village de Guirche. Parfait. Vous faites bien de parler des bornes, parce que c'est vrai que les personnes qui sont dans le peloton pourront peut-être, je l'espère, les admirer, puisque ces bornes de la frontière situées sur le parcours ont été débarrassées, voilà, de leurs hautes herbes qui ont masqué une bonne partie. Donc elles sont bien visibles, les bornes de la frontière Belgique-Luxembourg situées tout le long du parcours. Vous passerez peut-être aussi tout près aussi du musée du scoutisme international qui est situé ici à Arlon. On se posait la question de savoir où il était. Il est exactement dans le village de Bonnert qu'on a laissé sur notre gauche tout à l'heure. Ce musée du scoutisme. Et pour tous ceux qui ont pratiqué ce mouvement de jeunesse dans leurs tendres années, dont je fais partie évidemment, ça, c'est une visite à prévoir peut-être dans les prochaines semaines. Sylvie, je note ça en tout cas. Merci pour le bon plan. Absolument. Et la rue sera facile à retenir, c'est la rue du Métrangue. Voilà, ça ne s'invente pas. Bonnert, vous avez raison de le dire. C'est là que fait ce musée du scoutisme international. Et c'est Philippe Maldag aussi qui est dans les fondateurs et qui souhaite évidemment le mettre à l'honneur le plus souvent possible. Donc nous mettrons à l'honneur. C'est sûr. Non, je ne connais pas. Nous mettrons à l'honneur ces t-shirts mauves qui font partie du décor aujourd'hui, puisque c'est une étape spéciale. YFU. On en parle dans quelques instants avec vous, Guillaume d'Allemagne, puisque vous êtes parti avec YFU un semestre. Vous êtes très actif au sein de l'association. Il y a pas mal de choses qui se déroulent aujourd'hui. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Puisque vous donnez des sacs réutilisables, vous faites déguster des produits du monde. Bref, c'est vraiment une façon de faire connaître cette association qui accueille des étudiants. Donc, ce sera dans quelques instants. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des vacances de rêve. C'est bien, non? Oui, enfin, à part quelques petits débordements. De la piscine? Non, de mon jeans. Oh, le buffet à volonté. Oh, je vois. Achetez maintenant un jeans dame chez CA et recevez le deuxième à moitié prix. CA. Cuisine Xina. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le festival Cuisine. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Vivacité à Permé. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Construire votre maison neuve à Fontaine-l'Évêque? Dans un endroit calme, Thomas et Piron vous propose des terrains à bâtir et des maisons en cours de construction. Venez découvrir ce site d'exception, rue Croix-Favresse à Fontaine-l'Évêque. Portes ouvertes ce week-end de 14 à 18 heures. Durant ces deux jours, Thomas et Piron vous offrent 2 500 € sur des travaux de finition. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. You're moving so carefully. Let's start living dangerously. talk to me, go talk to me, baby. Ah, ce sont vraiment des tubes très dense qui enivrent cet été 2016. On en est vraiment, vraiment, vraiment heureux. DNC sur Vivacité. Alors, Wife You est là très souvent, et là même le plus souvent possible. Mais aujourd'hui, c'est une étape associée, on va dire, complice, puisque nous sommes complices. Rostand et Guillaume, vous représentez cette association Wife You. Ça s'écrit par trois lettres, YFU, qui recherche dans toute la Wallonie et à Bruxelles des familles d'accueil bénévoles qui souhaitent se lancer dans une expérience interculturelle hors du commun, tellement enrichissante. Plusieurs missions chez vous: partir pour l'étranger, devenir famille d'accueil, devenir volontaire. Qui commence? Qui rappelle un petit peu la mission de YFU? Guillaume d'Allemagne, vous connaissez bien en plus, puisque vous avez profité du service, hein. Vous êtes parti un semestre, où ça? Je suis parti un semestre en Allemagne, à Lingen, dans le Nordrhein-Westfalen, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Ouais, et super, on revient en disant il faut absolument que je fasse profiter les autres de cette expérience-là. Il faut absolument que je me fasse un peu l'ambassadeur de YFU. Mais c'est vraiment ça l'idée. C'est après avoir fait cette expérience-là, c'est vraiment une expérience de vie. Mm-hmm. Et après, en revenant, je me suis dit que c'était vraiment un projet qui m'avait beaucoup plu. Et je voulais continuer à rester en contact avec des étudiants qui venaient d'un peu partout. Parce que forcément, en partant à l'étranger, on voit des gens qui sont pas belges, qui parlent une autre langue, qui ont une autre façon de voir le monde. J'avais pas envie de lâcher ça derrière moi. Et j'avais aussi envie d'aider les étudiants belges qui voulaient partir à l'étranger, en leur disant, oui, ça va être différent, mais ça va pas être moins bien, ça va pas être mieux, ou peut-être que ça va être mieux, peut-être que ça va être un peu moins bien, mais c'est juste différent. Il y a vraiment cette notion de différence qu'il faut mettre en gras, je vais dire, pour bien montrer que c'est pas quelque chose qui est négatif, mais c'est juste une expérience à vivre. Il faut passer au-dessus parce que c'est juste une différence qui est au final très intéressante. Ah ben ça c'est sûr, hein, on parle d'enrichissement, ça c'est clair. Alors c'est vrai que votre appel, vous le lancez depuis quelques temps, depuis plusieurs mois. Alors quand je vois tous les étudiants qui sont visibles sur votre site web, le profil des étudiants internationaux sont visibles, je me demande toujours en effet, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore de famille d'accueil? Mais vous m'avez rassuré en disant non, Sylvie, c'est OK quoi. Oui, cette année, c'est ça. Le bureau et les délégués, ainsi que les volontaires, pour ne pas les nommer, ont fait un très bon travail. Ouais. Et donc, à l'heure qu'il est, on a toutes les familles d'accueil. Mais, on recherche toujours des familles d'accueil, que ce soit pour cette année, si un souci vient à t'arriver avec un étudiant ou une famille, ou même pour l'an prochain, parce que c'est chaque année un peu le branle-bas de combat pour trouver des familles pour tout le monde. Et donc, ici, aujourd'hui, je crois qu'on a déjà trouvé une famille d'accueil pour l'année qui va arriver dans un an, et c'est un bon début, mais il en faut plus, quoi. Parfait, parfait. Rostand, je m'adresse à vous, puisque c'est vrai que, à mon avis, les questions les plus couramment posées sont toujours les mêmes. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, puisque cet étudiant ne parlera pas notre langue, c'est peut-être pas la même culture, quelles sont les responsabilités de la famille, les responsabilités de l'étudiant? C'est un peu toujours ce genre de questions qu'on vous pose. Oui, c'est des questions pratiques qui sont tout à fait naturelles et louables. La première chose, je dirais toujours, et je répète exactement la même chose, l'étudiant qui arrive, d'abord, le considère comme son propre enfant. Voilà. Mm-hmm. Donc, on ne va pas lui demander ni plus, ni moins qu'à son enfant. La seule différence, c'est que au début, ça va être un petit peu comme un moteur diesel, c'est-à-dire qu'il faut aller doucement quand même. Mais une fois qu'il va monter en puissance, il va éclore et être exactement comme son enfant. Et je pense qu'il sera peut-être une valeur ajoutée pour la famille par la suite. Donc voilà. Bon, pour être concret et vous répondre précisément, je dirais simplement que au début, nous, ce qu'on demande aux familles, on leur explique, ça paraît un peu, je ne vais pas dire... Ça paraît un petit peu répétitif et robotique ce que je dis, c'est le gîte et le couvert, c'est-à-dire vraiment le loger et le nourrir et le blanchir. Mm-hmm. Voilà, ça c'est ce minimum-là. Voilà. Derrière ça, chaque famille y met un peu sa touche personnelle et ses façons de faire. C'est sûr, mais voilà un petit peu la genèse du projet, ce que vous recherchez. Alors ici, vous êtes là à plusieurs, à plusieurs. Vous êtes vraiment une jolie petite bande, et encore une fois, il faut connaître ces services, puisque vous pouvez pouvez devenir volontaire aussi. Si finalement vous avez envie de vous associer d'une certaine façon, vous pouvez le faire. Les nouvelles brochures sont sorties, les nouveaux programmes pour l'année scolaire 2017-2018. Donc c'est important. Vraiment, deux secondes, Rostand, pour la conclusion. Oui, je dirais, vous avez parlé du volontariat et j'insiste vraiment sur le fait que sans les volontaires sur le terrain, nous ne sommes rien. Et on profite pour cette étape arlonaise pour vraiment dire que nous voulons marquer cet ancrage local ici dans les Ardennes et nous lançons aussi un appel à ces volontaires qui, sans eux, nous ne sommes rien sur le terrain. Voilà. Voilà, merci Rostand, merci Guillaume. YFU, YFU, allez voir sur votre site internet, sur un moteur de recherche, ifu-belgique.be, comme ça, vous y allez directement. Et musique pour poursuivre jusqu'au flash de 14h et puis nous rejoindrons le peloton emmené par Olivier et Adrien ici à Arles. Matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopin sous la pluie. Jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe. C'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Le premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? S'effondre en quelques secondes. Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Changer aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. C'est providentiel. Ah, quelle belle chanson. Étienne Dao avec Le Premier Jour. S'il y a bien une chanson hymne qui pourrait devenir l'hymne de l'émission La Vie du Bon Côté, que j'aurai le plaisir de réanimer à partir de ce lundi, eh bien c'est celle-là. Voilà, c'est cette chanson-là, la chanson d'Étienne Dao, Le Premier Jour du reste de ta vie. Chaque chose en son temps ce week-end. On se consacre à cette étape ici en direct d'Arlon, 23 km. Nous sommes pleines des manœuvres. Si vous voulez venir nous rejoindre avec tout à l'heure des showcases avec le soutien de Joker Plus, c'était là. Jean-Luc Fonck sera des nôtres. Il y aura aussi l'interprète, auteur, compositeur Silva et Selena et Sofia, un duo de filles assez détonnant. Voilà ce qu'on vous propose tout à l'heure à partir de 16h30. L'info arrive. Souvent, un mot peut en entraîner beaucoup d'autres. Impatience, canalise, mélancolie, panier percé. Ce dimanche, dès 13h, vos artistes préférés déplient les meilleurs petits papiers de vivacité. La 2, en télé. Trou détective. Le shérif de Vermilion a demandé notre aide après avoir trouvé un corps dans un champ de canne à sucre. 30 ans d'enquête pour 4 soirées ténébreuses. Vous avez déjà vu un truc comme ça? Trou détective. Les deux premiers épisodes dès ce lundi sur la 2. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce samedi, dès 18h, Courtrai, Club de Bruges et Moucron-Perruet, Saint-Tron. Et dimanche, dès 14h, Eupen, Anderlecht et La Gantoise, Westerlo. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Comment bien manger ? Quand on n'a pas de verger. Chez Deleuze, les prunes sont enfin arrivées. Les rouges ? Super bonnes à croquer. Les jaunes, si juteuses. Les reines claude bien sucrées. Et les présidents ? Idéal pour la cuisson. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jusqu'au 24 août, elles sont à moins 30% le kilo. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Excellent après-midi à tous, il est 14h. Le Flash est présenté par Justine Hermans. Bonjour à tous. Le PS ne veut pas d'une augmentation du salaire pour les grands patrons d'entreprises publiques. Le Parti socialiste réagit aux propos d'un député NVA, Peter de Decker. Il réclamait ce matin dans la presse flamande un salaire sans limite pour les personnes à la tête de grandes entreprises publiques. Depuis 2014, le plafond salarial est de 650 000 euros bruts par an. Pour la NVA, les patrons doivent être payés sur base des résultats et le gouvernement n'a pas à s'en mêler. Dans l'actualité internationale, la Turquie fait un pas en avant vers les États-Unis en affirmant que les Américains sont un de leurs partenaires stratégiques et non un ennemi. Une déclaration du premier ministre turc Binali Yildirim. Il tente ainsi d'apaiser les tensions entre les deux pays. Un apaisement nécessaire puisque la Turquie demande l'extradition du prédicateur Fethullah Gulen. Il vit aux États-Unis pour l'instant. Il est celui que le président turc Recep Tayyip Erdogan considère comme responsable du coup d'État manqué du 15 juillet dernier. Aux Jeux Olympiques de Rio, des Belges à suivre encore aujourd'hui. En triathlon féminin, Claire Michel et Catherine Versteuft à partir de 16h. À 17h30, il y aura du VTT avec Guitami Hills. Plus tard cette nuit, les relayeurs du 4x400 mètres, les Belgian Tornadoes. Le rendez-vous pour la finale, c'est cette nuit. Si vous trouvez le courage de la regarder, ça sera vers 3h30 du matin. Si vous n'avez pas encore de programme prévu pour cet après-midi, il est encore temps d'aller à la brocante de Templou. La plus grande brocante de Belgique a commencé ce matin. Elle se terminera demain à 18h. Au total, 800 brocanteurs et 150 000 visiteurs sont attendus. Et il y a donc ceux qui chinent et ceux qui reviennent seulement de vacances. Il y a d'ailleurs des bouchons en France sur la route du retour. La journée est classée rouge. La météo, le temps est variable aujourd'hui avec des averses encore possibles. Le vent est soutenu et les températures aujourd'hui varieront entre 18 et 20 degrés en Ardennes et entre 21 et 23 degrés ailleurs. Un point RTBF Mobile Info avec vous Marjorie Bilot. C'est assez calme chez nous en Belgique. Oui, voilà, exactement. Oui, on a juste quelques petits soucis. Par exemple, sur la Nationale 5, Charleroi-Couvin, apparemment un accident à Philippeville neutralise encore la voie de droite vers Couvin. On a de légers ralentissements en direction la mer sur le 40 Bruxelles-Gand avec des files entre Ternat et Affligem dans lesquels vous perdez plus ou moins 10 minutes vers Gand. Sur le Ring, ça ralentit suite aux travaux à Anderlecht, surtout eh bien, vers Grand-Bigard à partir de Bercel, plus ou moins sur ce Ring. Et puis sur le 19 Anvers-Breda, là on a plus d'une demi-heure de retard si jamais vous allez vers les Pays-Bas. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et vous retrouvez le beau vélo sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Merci beaucoup Justine. L'info revient à 15h. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. C'est une balade aux deux Luxembourg qu'on vous raconte aujourd'hui. C'est vrai que la frontière entre les deux Luxembourg est tellement proche que presque sans remarquer, à mon avis, vous êtes entré chez nos voisins Grand-Ducaux, n'est-ce pas Adrien ? Oui, c'est la joyeuse entrée du beau vélo de Ravel au Grand-Duché de Luxembourg. Rien à déclarer, Marie-Pierre ? Ah si, je suis tombée sous le charme d'une petite auberge qui s'appelle l'auberge de la Gaïchelle, qui porte en fait le nom de la petite rivière qui, comme nous, finalement, traversent les frontières tout en s'amusant. Ah, c'est beau, ces images. Et c'est très excitant, Olivier, un peu comme quand on était gamin, de passer une frontière. Oui. Même si maintenant on est dans l'Europe, il ne faut plus montrer ses papiers, mais on a l'impression tout de suite d'être en vacances, quoi. Et oui, et en plus, c'est notre seule incursion de la saison dans un autre pays. Il faut quand même... On a été très, très proche à d'autres occasions, mais là, c'est la première fois et la seule fois de la saison où nous allons aller vraiment dans le pays voisin, en l'occurrence le Grand-Duché de Luxembourg, où on vient très peu souvent, avec une être invito qui se dessine devant nous, puisque en plus on a créé des ponts. Bon, il n'y avait pas besoin de le faire, hein, ils se connaissent bien, on a expliqué l'histoire commune entre le pays d'Arlon et celui du Grand-Duché. Et donc c'est à Aichen que nous serons dans un instant. Il y aura un chef à vos côtés comme tous les samedis, Adrien. Oui, Frédéric César du restaurant Hors Saison. Comme la médaille, hein, la médaille de Nafissa Toutiam, qu'on salue, Nafissa Tout, qui nous a fait rêver, qui était venue d'ailleurs sur le beau vélo il y a 3 semaines. Elle rentre mardi en Belgique et je peux vous dire que je caresse un rêve, Olivier, c'est de l'inviter samedi prochain sur le beau vélo à Mété. Paris tenu. Pas pour Cap 48, je sais qu'elle est, mais elle est très proche de la course de Cap 48 et je me dis que c'est pas impossible. Allez, on se met au défi d'avoir Nafissa Tout. Les téléphones vont sonner. Oui, dans notre peloton la semaine prochaine. On fera attention à ne pas la blesser parce qu'elle doit participer après au Vandamme. Alors il y a quelque chose de particulier ici, Adrien, depuis qu'on a passé la frontière, c'est que au niveau architecture, on voit clairement qu'on est au Luxembourg quand on a un peu l'habitude. Hein, oui. Oui, effectivement, ici vous êtes dans un village extrêmement dynamique qui a différents services, notamment le service incendie, un beau centre culturel, une toute nouvelle mairie. Et c'est un petit peu le dortoir de pas mal de nationalités, puisqu'il y en a à peu près 9, compte tenu 60% de luxembourgeois, 40% d'étrangers. Voilà, donc, dont certains Belges, voilà, à mon avis, qui sans dire on irait bien un petit peu s'installer au Luxembourg. Voilà, il y en a certains qui s'installent ici, il y en a certains qui s'installent aux environs d'Arlon, mais c'est un lieu bucolique qui est tout à fait agréable à vivre. Voilà, et ben nous allons le vivre pendant quelques minutes, puisque d'ici quelques centaines de mètres, Sylvie, oui, nous allons poser le vélo pour profiter du soleil qui est également bien là dans le ciel côté Grand-Ducal. Dans le pays voisin, d'accord, merci. Ce qui est bien avec Adrien qui lance ce défi d'avoir cette médaillée olympique la semaine prochaine, c'est qu'il bien souvent il les relève, ces défis. Donc on espère vraiment à 99% qu'elle pourra être des nôtres. Voici Chris Keb sur Vivacité. Encore une fois, on vous attend peut-être nombreux si vous êtes dans les parages tout à l'heure pour assister au showcase avec le soutien de Joker Plus. Sylva sera la présence, Stella et puis Selena et Sophia. Tous des prénoms en A, voilà. Ça sonne bien avec ce temps ensoleillé qui fait partie des ingrédients essentiels pour une bonne étape ici en direct d'Arlon aujourd'hui. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon. You know that girl really turned me on. So the morning. Skeb en ce samedi, ici en direct d'Arlon. Et là où vous êtes en ce moment précis, j'espère encore une fois que vous avez des bonnes conditions météo comme les nôtres. Même ici en Belgique et même au Luxembourg, le soleil est présent, Olivier. Ouais, exactement, le soleil. Bon, dans ce matin, on a cru qu'on l'aurait que dans les cœurs. Absolument. On s'est dit, Marie-Pierre Moulignon était un peu optimiste, hein, à mon avis, sur l'étape à laquelle elle serait conviée. Mais non, elle avait raison, le soleil est là et pas seulement dans les cœurs. Alors, j'ai à mes côtés deux bourgmestres, celui à la fois d'Arlon et celui d'Eichen qui nous accueille maintenant. Alors, vous avez l'habitude de vous côtoyer entre bourgmestres voisins, d'autant qu'on a rappelé l'histoire commune de la région d'Arlon et celle du Grand-Duché. Content de cette journée ? Ah bah écoutez, avec un temps pareil, un circuit tel que celui-là, une présence massive en tout cas de l'ensemble, je crois qu'on peut dire de la grande région qui a répondu de manière favorable, et puis de venir faire quelque chose avec nos amis luxembourgeois, on est toujours très content quand on se retrouve. Oui, je le disais tout à l'heure, monsieur Hoffmann, vous qui êtes le... On dit bourgmestre ou maire ? Non, on dit Luxembourg le bourgmestre. On dit bourgmestre, mais on dit la mairie. On dit la mairie, oui. C'est un peu on fait un mix un peu de tout. C'est ça. Tout à l'heure, on a précisé qu'ici, il y avait beaucoup de nationalités dans votre commune, dans les habitants que vous avez ici, sont un peu plus de 9000, c'est ça ? Les habitants, non. En 1941. Voilà. Non, c'est pas la commune, c'est les villages d'Eichen qui approchent les 2000 maintenant. Donc, par rapport à notre grand voisin, on est petit, mais on se côtoie régulièrement et donc les relations sont très bonnes. Nationalité, oui, comme beaucoup au Luxembourg, il y a beaucoup de nationalités. Hein. Mais d'ailleurs, les nationalités les plus représentées sont les Portugais et les Belges ensuite. Et alors, voilà. Vous ne l'avez certainement pas entendu tout à l'heure, mais on soulignait le fait que c'était la seule fois de l'année où le beau vélo de Ravel passait une frontière, et c'est pour arriver dans ce sympathique village d'Eichen. Monsieur le bourgmestre d'Arlon, vous, je vois que vous avez mis la chasuble de cycliste habitué. Vous avez un vélo assistance électrique. Vous utilisez ce moyen de locomotion régulièrement ? Oui, absolument, mais j'utilise plus souvent un vélo sans assistance électrique. Mais ici, le circuit était quand même assez vallonné, donc je préférais me donner cette possibilité. Et puis, je voulais aussi mettre en avant le fait qu'il était possible aussi pour quelqu'un qui n'est pas très sportif de faire du vélo. Et notre échevine d'ailleurs du tourisme, Anne-Catherine Goffinet, a acheté 4 vélos électriques, et donc j'encourage vivement les Arlonnais, les Arlonnaises, mais tous ceux de la région qui veulent venir faire du vélo à Arlon de s'adresser au syndicat d'initiative, à l'office du tourisme, comme on dit maintenant, pour louer ces vélos. Alors je vous avoue qu'on a eu quelques messages de purs et durs qui trouvent que le vélo électrique c'est pas une bonne manière, qu'on devrait pas les accepter dans le peloton. Et ben nous on va expliquer qu'en fait justement ça a élargi la famille du beau vélo. Et ça permet à des personnes qui ne savaient plus nous rejoindre ou pas nous rejoindre, eh bien de profiter de l'aventure aussi. Et on rappelle, c'est d'abord une balade avant une prestation sportive. Et donc vous confirmez ça. Je partage tout à fait votre point de vue, en tout cas, oui, absolument. Parce qu'il y a aussi des gens qui, peut-être l'âge venant, peut-être un peu dans bon point, n'arriveraient plus à suivre. Et pour l'instant, ils savent le suivre. Donc je trouve ça merveilleux. Voilà, parce que finalement, la beauté du vélo, c'est quand même de découvrir des paysages, des odeurs qu'on ne découvre pas autrement. Et donc ça, on peut le faire aussi bien en vélo électrique qu'en vélo dit normaux. Ah, j'entendais des gens qui sont de la région d'Arlon découvrir des sentiers qu'ils n'avaient encore jamais parcourus à vélo, comme quoi le beau vélo, ça permet aussi de découvrir parfois une région qui est à quelques encablures, à quelques coups de pédale à peine de chez soi. Voilà, deux bourgmestres, Sylvie, qui se côtoient et qui, oui, comme nous font passer d'un côté à l'autre de cette frontière, avec en fond sonore, et vous l'entendez aujourd'hui, cette fanfare. Cette fanfare qui joue des airs connus, c'est la fanfare d'Upscheid qui va rythmer cette Altravito. Et croyez-moi, avec le soleil que l'on a aujourd'hui, on va déposer nos vélos ici pour une bonne grosse demi-heure, avec notamment le quiz tout à l'heure. Absolument, d'ici quelques instants, qu'il va en effet définir qui partira. Enfin, ce ne sera pas la seule épreuve, mais c'est une épreuve assez importante qui partira pour cette échappée belge dans le Luberon du 22 au 28 septembre. Voilà, et ça change en effet cette fanfare des sangliers du groupe carnavalesque, des sangliers à cloche que nous avons entendu en début d'émission. Ma préférence va quand même pour la fanfare d'Upscheid, voilà, comme vous la prononcez si bien. Allez,

Weekend Mechanics. Nous parlons aujourd'hui d'Arlon. Pourquoi Arlon ? Parce que nous sommes implantés là, voilà, pleine des manœuvres. C'est là que nous sommes, avec toute notre infrastructure, tout notre village Beauvais-le-Dravel, tous nos producteurs locaux, toutes les associations qui sont présentes. On a parlé d'IFU il y a quelques instants. En effet, devenir famille d'accueil, mais là pour des étudiants étrangers. Donc c'est évidemment, ça se fait lors d'années scolaires. On va parler en nombre d'années scolaires. Et puis, il y a les familles d'accueil, tout simplement. Familles d'accueil, on vous en parle assez régulièrement, qui ont leur stand et qui vraiment veulent se faire connaître de la grande famille du beau vélo. Et donc, on parle souvent de la mission, de ce qui est demandé à des familles d'accueil, puisqu'il y a une vraie demande. Donc voilà, des familles d'accueil peut-être potentielles qui nous entendent, qui nous écoutent, de savoir qu'il y a cette demande. Et puis, il y a des visages humains. Et donc, je suis vraiment contente de te rencontrer, David. Tu as 19 ans, tu as une expérience, on va dire, de famille d'accueil de 15 ans, puisqu'à l'âge de 3 ans, tu as été placé en urgence. Voilà, donc ça aussi, c'est une façon peut-être de décliner un peu le service, et qu'il y a des enfants qui sont placés après une longue réflexion, après un dossier suivi. Et puis toi, voilà, à 3 ans, tu es placé en urgence un soir de Noël, j'ai entendu dire. Bon, alors tu ne te souviens sans doute plus de ce qui s'est passé à cette époque-là, tu étais trop petit, mais depuis 15 ans, c'est donc dans la même famille que tu es, David. Oui, c'est exact. Absolument. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants ? Est-ce qu'il y avait d'autres enfants ? Oui, il y avait 5 enfants. Oui, qui avaient un peu ton âge, ou bien est-ce qu'il y avait une grosse différence d'âge ? Plus grand. Plus grand. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on te demande de témoigner, David, à 19 ans, de ton expérience, puisque tu as été élevé en famille d'accueil ici dans la région, puisqu'on parlera aussi de ce service. Je sais que tu as déjà témoigné devant des personnes pour parler un petit peu des difficultés. Apparemment, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça a été vraiment un accueil comme si tu faisais partie de la famille directement. Non, oui, c'était vraiment une belle expérience. Ça t'embête le casque, tu peux le retirer. Une belle expérience, donc encore une fois, avec 4 enfants, c'est ça ? Oui, avec 4 enfants, c'était vraiment une belle expérience. Ils m'ont fait découvrir plein de choses, ils m'ont fait grandir. Ah oui, pour devenir celui que tu es aujourd'hui. Quels sont les contacts que tu as avec les autres enfants ? Avec les autres enfants, ben, c'est des très bons contacts. De temps en temps, je leur écris, je vais les voir. Ils ne sont pas d'ici, ils sont plus du côté de Bruxelles, mais d'accord. Je vais de temps en temps les voir, en même temps que ma famille d'accueil. Est-ce que tu as déjà rencontré d'autres jeunes de ton âge, peut-être, qui ont été accueillis aussi en famille d'accueil, pour échanger peut-être vos expériences? Oui, mais pas beaucoup. Quelques-unes quand j'étais dans les centres, mais sinon, par la suite, non, plus trop. Ouais. Et quand tu as un regard peut-être sur ce qui s'est passé, tu te dis que tu as eu beaucoup de chance à cette époque-là de tomber sur une famille d'accueil. Oui, ça a changé ma vie, en fait, parce que si j'aurais pas eu ma famille d'accueil, je pense pas que je serais comme je suis maintenant, parce qu'ils m'ont appris tellement de belles valeurs que... Là, je ne serais plus comme je suis maintenant. Je serais vraiment moins bien... Enfin, j'aurais pu se déraper. Est-ce que tu as eu des contacts encore avec tes vrais parents ou plus du tout ? Les contacts étaient coupés avec... Avec mes parents, oui, presque. Ouais. Maintenant, j'essaie un peu de reprendre des contacts, mais petit par petit, quoi, parce que c'est difficile. Après autant d'années, c'est difficile, voilà. Est-ce que tu encourages ? Allez, c'est ça aussi. Oui, j'encourage. Si c'est pour ça que tu es là, certaines familles peut-être qui pourraient prendre part à l'expérience, qui pourraient accueillir un enfant et en faire devenir un beau jeune homme comme tu es aujourd'hui, épanoui, et qui puisse en parler. Je crois que c'est important de le dire. On a besoin de témoignages comme le tien. C'est important que des gens, comme des adultes comme ça, puissent... Entendre ce que mon témoignage, et faire de même, et être famille d'accueil, car il en faut, parce qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin d'aide, et on manque vraiment de famille d'accueil. Et si ça peut faire la même chose que ce que moi ça m'a fait, ça leur fera beaucoup de bien. Oui, c'est ça qu'il faut dire. Sabine, je me retourne vers vous, parce que ce beau jeune homme, encore une fois, David, aujourd'hui, à l'âge de 3 ans, c'est vous qui... avez dû vous en occuper, puisque c'est ça, je pense que vous avez créé ce service. Oui, j'ai créé ce service en l'an 2000 et en fait, on n'avait pas encore beaucoup de familles d'accueil quand il y a eu une demande pour... C'était le premier enfant. Donc, ici à Arlon, alors, on a eu la chance de... Oui, c'était dans la région, ici à Arlon. Oui. Et donc, on a eu la chance de pouvoir le prendre chez nous. Et le courant a super bien passé. Donc, on s'est dit, comme on était une grande famille avec 5 enfants, on s'est dit, bon, on peut donner de la chance à un enfant de plus et on peut partager. C'était une entreprise familiale, en fait, parce que tous les enfants étaient d'accord, on en avait parlé. Ça s'est fait automatiquement, ça s'est vraiment fait tout seul. Ça c'est fou parce que c'est vrai qu'on a souvent l'occasion de le rappeler, moi dans mes émissions aussi, La Vie du Bon Côté, j'ai souvent envie de mettre en évidence le service parce qu'être famille d'accueil, c'est vraiment accompagner un enfant en difficulté et en faire peut-être aujourd'hui le faire devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ben ça vous rend fier finalement, je vous vois avec plein de larmes dans les yeux. Oui, parce qu'il y a David qui pleure en face de moi, alors ça m'émeut beaucoup. Et moi je suis entre vous deux. Ça fait beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que c'est une expérience hyper positive et qu'on a envie d'encourager plein de gens à faire la même expérience que nous, parce que se dire qu'on peut aider un enfant à devenir un adulte responsable et avec des belles valeurs qu'il peut apprendre lui-même après à témoigner et à aider d'autres gens, c'est fantastique, c'est formidable. Oh, ben c'est super de vous avoir eu tous les deux et d'avoir eu autant d'émotions finalement. D'avoir vous, toi David, avec ce que tu es devenu aujourd'hui, ce que tu as envie de communiquer, et puis Sabine qui quelque part a dû placer un petit bout de 3 ans un soir de Noël et puis elle s'est dit c'est chez nous qu'il viendra, donc c'est double mission, c'est d'être dans le service et puis d'avoir été ta famille d'accueil, David. Waouh, quelle belle expérience. Voilà, et on vous rappelle évidemment d'aller voir le site famille d'accueil, quelle que soit votre région, parce qu'ils ont besoin de vous. Devenir famille d'accueil, c'est vraiment une démarche ouverte à tous, peu importe là, peu importe la culture, peu importe la situation sociale, tous les types de familles sont les bienvenus et doivent vraiment, vraiment se faire connaître. Merci. On ira rejoindre Aïchen dans quelques instants, Olivier et Adrien pour le quiz qui va définir qui de Roger ou j'ai oublié l'autre prénom partira pour l'échappée belge dans le Luberon du 22 au 28 septembre prochain. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce samedi, dès 18h, Courtrai, Club de Bruges et Moucron-Perruet, Saint-Trond. Et dimanche, dès 14h, Eupen, Anderlecht et la Gantoise, Westerlo. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. En télé sur la Une. Si je t'ai apporté des pâtes de fruits. T'as bien fait, les vieux adorent les sucreries. Mais moi, pas. Quand un père et son fils se redécouvrent, la vie prend un autre parfum. Si vous voulez rentrer chez vous, il faudra faire des aménagements, enfin des travaux. Faut compter 2 petits mois. 2 mois ? La fleur de l'âge avec Jean-Pierre Marielle et Pierre Arditi, lundi soir sur la Une. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Vapona, votre arme contre les insectes. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Le Beauvélo de Ravel, de 13h à 17h, sur Vivacité. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, cid, tout se décide, cid. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense. Ton visage ne sera jamais entier, comme tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Ooh. And if you say just wanna stay with you. Kiss my station. Kiss my station. Ooh. And if you say patience comme certitude. Collier à trois fils, fils, fils. Lié à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire. Que tu respires, pire, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Fix my station. Fix my station. Christine and the Queens avec Saint-Claude. En direct d'Arlon, nous sommes pleines des manœuvres avec toute l'infrastructure qui vous accueille depuis ce matin. Vous verrez des images en télé demain et vous pouvez déjà aller sur la page Facebook pour en voir. Ils sont, eux, à Eichen, chef-lieu de la commune de Hopscheid, qui a une belle fanfare. On l'a entendu il y a quelques instants, la localité est traversée par la rivière de laquelle elle tient son nom, bien sûr. Paul et Roger sont vos deux candidats, Olivier, et l'un des deux donc s'envolera pour l'échappée belle dans le Luberon à la fin de la journée. Exactement. Paul Lepage, qui est président du club de tir d'Arlon. Est-ce que vous avez déjà mis dans le mille depuis ce matin, Paul? Dans le mille, ça dépend quel mille. Mais le mille sportif, mais ce n'est pas du tir. Sorry pour vous. Oui, mais j'ai fait l'initiation au hockey sur gazon. Ça m'a bien plu. Ah ben, le hockey, c'est en pleine tendance pour le moment. Tout à fait. Vous avez suivi un peu les matchs des Red Lions? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis sportif jusqu'au bout des ongles, donc je suis ça des fois jusqu'à 3 heures du matin. Donc. Alors, être sportif ne suffit pas. Il faut aussi avoir étudié. Roger, c'est sur quel tableau vous êtes le plus fort, vous? Disons que j'ai étudié bien. Cette affaire, si le stress ne va pas prendre le dessus. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, de toute façon. C'est ça. Bon, c'est maintenant la période de stress, à mon avis, la plus intense de la journée, parce que tout se joue en 2 minutes. Deux minutes pour répondre à maximum 17 questions. 17, énorme ça. Et vous êtes déjà main sur les buzzers. On n'attend plus que le début du chrono pour commencer à lire les questions et à écouter vos réponses. C'est quand vous voulez, moment de concentration. Et nous y allons pour le quiz. C'est parti. Quelle est la boisson de référence de la région d'Arlon, Paul? Le Métrang. Bonne réponse. De quel village Luberon, Bertrand de Simiane, était-il le seigneur? Bertrand de Signal, quel village? Non. Sur Vivacité, qui coanime l'émission En Cuisine avec Candice Cotter pendant la saison non estivale? Candice Cotter? Non. Ah. Qui coanime avec Candice? Droit de réponse pour Paul? Non, c'était Steve Delaunois. Quel est le titre du premier disque de Stella sorti en 1977? Le tout premier disque de Stella, son titre en 77. Pour personne. Comment s'appelait la ville antique d'Arlon? Le nom de la ville antique. Pour personne. 3 secondes. C'est passé. Combien de sentiers de grande randonnée traversent le Luberon? 5. Non, droit de réponse pour Paul? 6. Non. Quelle est la longueur de la ligne vicinale 517? La ligne vicinale 517 pour personne. Roger, toujours pas. Ok. Dans quelle commune de Luberon organise-t-on un grand concours de crachés de noyaux de cerises? Dans quelle commune de Luberon est-ce qu'on organise ce concours? Non. Quel village arlonnais abrite un arboretum? On y est passé tout à l'heure, Paul? Marseille. Bonne réponse. Sur Vivacité, quel jour est diffusée l'émission? Il n'y a pas que le foot. Samedi. Oui, exactement. Bonne réponse pour Roger. En quelle année Arlon a-t-elle été désignée comme chef-lieu de la province de Luxembourg? En quelle année Arlon, pour personne. Quel est le titre du dernier album de Cella? Roger, tout de suite. Grattez-moi dans les yeux. Regrattez-moi dans les yeux. Bon, on va voir si on l'accepte tout à l'heure. Qui est le saint patron? Quel est le saint patron du village de Guirche? Le saint patron du village de Guirche qu'on a également traversé tout à l'heure. Pour personne, quel homme originaire de Cadenet est représenté sur un bas-relief de l'Arc de Triomphe et sur le fronton du Panthéon à Paris? On reparle évidemment du Luberon là, non? Alors on va aller à Clairefontaine. Quel est le nom de la chapelle qui abrite la sépulture? Paul. Notre-Dame du Bel Amour. Non, quel est le nom donc? Oui. Bravo, pardon, bonne réponse. Dans quelle localité du Luberon trouve-t-on un musée dédié au vitrail? Eh ben on en restera là. Et force est de constater que si vous avez étudié, en tout cas, c'est pas revenu, Roger. Hein. Non, c'est le stress. Ça m'a bouffé, le stress. Mais bon, beaucoup de ces questions que vous avez... j'en avais aucune idée d'où ça venait. C'est... Ah, ben voilà. Ben, c'était pourtant dans les régions et dans les matières. Paul, cool, relax. Ah, mais pour le tir, il faut être super... Ah, mais oui, ça vient de là, mon ami. Non, non, j'ai l'habitude de savoir gérer mon stress, donc... Alors, Paul de Arlon, Roger, on rappelle d'où vous venez? Wavre. Et les supporters de Paul et de Roger qui nous font un petit peu de bruit, s'il vous plaît. Alors, on va aller maintenant vers la chef de l'harmonie. C'est ici qui va nous... Alors, vous avez uni plusieurs formations musicales aujourd'hui qui viennent d'un côté et de l'autre de la frontière. Oui, voilà, c'est exact. De quel village exactement? Donc, Sterpenich-Barnich. Oui, ça c'est côté belge. Côté belge. Ouais. Et côté luxembourgeois. Côté luxembourgeois, Opscheid. Et voilà. Ben, en tout cas, on va écouter ce que ça donne en musique. Vous allez donner le la pour un petit extrait de ce que ça nous donne. La partition, je regarde, je reloupe par au-dessus de vous. C'est une marche venue des hauts pays. Highland March. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Un petit extrait, Sylvie, pour nous en tout cas. C'est pas pour rien, Sylvie, que ça s'appelle de la musique vivante. Hein. Je peux vous dire que ce qui se passe derrière moi est bien vivant aussi, puisque c'est Jean-Luc Fong, je ne sais pas si vous l'entendez un peu, qui est derrière j'entendais nous. J'entendais de la musique, figurez-vous. Et je me demandais d'où elle venait, cette musique, à un moment donné. C'est chez nous. C'est évidemment les balances sur le Absolument. Beau vélo. Absolument, je suis juste à côté de la scène et donc c'est vrai que ça déménage aussi Jean-Luc Fonck qui sera tout à l'heure en showcase aux côtés de Silva et aux côtés de Selena et Sophia, un duo de sœurs et nuyeurs qui se font de plus en plus connaître, bien entendu. Ce sera pour tout à l'heure. Voilà pour le quiz qui a départagé donc Paul et Roger. On fera tout à l'heure le point aussi sur leur point de la journée, puisqu'il y a plusieurs épreuves, il n'y a pas que celle-ci. Nous sommes à Arlon jusqu'à la fin de la journée avec Sinse Emilia dans les oreilles côté programmation musicale. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. S'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera. On fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que ça suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Vince Emilia avec tout le bonheur du monde, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment en ce week-end, non pas de rentrée, même si Vivacité fait sa joyeuse entrée à partir de lundi côté programme. Vous pouvez encore peut-être, j'espère, profiter de quelques jours de vacances ou de quelques jours de repos, de quelques jours de programmes différents, parce que ce n'est pas encore vraiment la rentrée à proprement parler pour beaucoup de choses. Dans quelques instants, nous nous intéresserons au chef qui est sur place à Eichen avec Olivier et Adrien. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. D'Arlon, nous sommes en direct d'Arlon. Ils sont en direct de Eichen. Olivier, Adrien, avec le chef Frédéric César, qui va vous faire donc déguster, qui va faire déguster à certaines personnes qui sont sur le parcours des choses bien appétissantes, messieurs. Oui, c'est effectivement un chef qui est étoilé, qui est César dans son domaine et qui porte d'ailleurs ce patronyme Frédéric César. J'ai envie de vous dire Ave César et bravo, parce que vous avez fait le bonheur de nos auditeurs cet après-midi. Qu'est-ce que vous leur avez préparé de beau et de bon, Frédéric? Eh bien donc c'était une... je dis c'était parce qu'il n'y a plus rien du tout. Tout est parti. Hein. Une panna cotta au métranque, hein, qui est un produit vraiment bien spécifique de la région d'Arlon, avec une gelée orange basilic pour le côté un peu estival, un biscuit moelleux, croquant pour une différence de texture, et des framboises pour l'acidité. J'ai demandé à deux auditeurs que je prends au hasard ici, à côté de ce stand de dégustation. Visiblement, ça vous a coûté. Votre prénom ? Dominique. Vous venez d'où, Dominique ? De Bastogne. De Bastogne, c'est votre premier beau vélo de Ravel ? Non, je l'ai fait voilà quelques années, quand vous étiez venu à Bastogne. D'accord. Mais donc à chaque fois qu'on vient dans la région, vous vous inscrivez, vous participez, et là vous êtes régalé. Hein. Ah, c'était super bon, c'était délicieux, et dommage qu'il n'y en a plus. Un petit manque de trop peu. Mais c'est bien, il faut toujours partir avec encore un peu d'appétit. Hein. Un petit goût de trop peu, c'est beaucoup mieux qu'un goût de trop et une espèce d'écœurement. Monsieur, votre prénom ? Jean. Jean, premier beau vélo ? Le premier beau vélo. Oui. Et convaincu, là ? Ah, convaincu, oui. Je pense que l'année prochaine, on en refera. D'accord. C'était génial. Bon, moi, je suis d'Arlon, donc je connais bien la région. Je savais que ce serait vallonné et qu'il y a des personnes qui souffriraient un peu, mais... Mais c'est, pour moi, c'est génial. Oui. Vous connaissiez ce chef ? Non, je ne connais pas le chef, mais je vois bien le restaurant, je vois bien où il est, parce qu'étant d'Arlon, mais à l'occasion, on ira déguster un menu chez monsieur. Oui, on rappelle que le restaurant hors saison est situé dans le centre d'Arlon. Oui, vraiment dans le centre, plutôt dans une des entrées principales, dans le quartier de la gare. D'accord. Eh bien, quand vous venez en train dans le coin... Ah oui, en train, on est à 2 minutes. D'accord. Le restaurant hors saison, attention, hors comme, l'or. Le métal. Tel, hein. Ben oui. Ouais, ouais. Et c'est un joli jeu de mots aussi. Oui, ben on a décidé en fait d'appeler le restaurant comme ça parce qu'on essaye de travailler toujours des produits de saison et toujours les plus beaux produits possibles. Donc voilà, on a les produits en or. Bonne continuation, chef. Avec plaisir, merci beaucoup. Et merci pour ce très chouette ravitaillement servi ici au Grand-Duché, Sylvie. Adrien, je suis à côté de votre monture et elle n'est pas en or. Elle est en métal, mais c'est métal n'est pas d'or. Donc il va falloir aller nous rejoindre. Parce que je vois que Marie-Pierre veut déjà en découdre avec la deuxième partie de la balade. Je vois Colette qui est là aussi fin prête également pour eh bien, les kilomètres qui nous attendent. Et vous qui connaissez bien le coin, Colette, tout ce qu'on a descendu jusque là, on va bien finir par devoir le remonter. Ah évidemment, vous allez voir, on va déguster, mais ça sera toujours dans un paysage tout à fait merveilleux, donc ça sera super. Ouais, avec voilà. Une légende qu'on racontera d'ici quelques centaines de mètres, une légende que le ministre René Collin a déjà évoquée tout à l'heure. À propos de la comtesse Hermesade, qui était notre comtesse à nous. Hermesade, ça sonne un peu comme Shirazade, ça fait voilà. Un peu conte de mille et une nuits à la sauce arlonnaise. À peu près, voilà. Notre comtesse des Grands Ducaux et de la région d'Arlon. Voilà, qui unissait les deux côtés de la frontière. Encore une fois, et c'est vrai que ces ponts, on n'arrête pas de les jeter au-dessus de cette frontière entre la Belgique et le Grand-Duché. Et on va repasser maintenant ce cap, cette ligne tout à fait symbolique, Sylvie, dans l'autre sens, avec les ravelistes qui sont impatients de pouvoir lancer les premiers coups de pédale après avoir mangé quelques fruits ou avoir avalé un petit peu d'eau, puisqu'on est très très sain évidemment sur ce qu'on consomme à l'aide de ravitaillement, hein, vous le savez. Absolument, ici aussi on est très très sain, il y a pas mal d'animations, ça fait toujours plaisir évidemment d'avoir des personnes qui découvrent le Beauvais de Ravel pour la première fois. Et toujours beaucoup plus facile aussi de découvrir dans son coin. Donc voilà, je comprends parfaitement les personnes qui font partie du peloton cette semaine, qui sont de la région d'Arlon et qui prochainement, ils partent de l'année prochaine. Et puisque le ministre René Collin l'a annoncé, il y aura une édition 2017 qui l'année prochaine pourra participer à d'autres étapes. Et puis c'est une édition très familiale. Elle en sera de même. Il en sera de même l'année prochaine puisqu'il y a chaque semaine un Kids Village qui est implanté ici. Et ici, nous sommes pleines des manœuvres à Arlon puisque c'est vraiment un événement familial par excellence qu'on veut promouvoir. Et donc, nos plus jeunes auditeurs ont un accès privilégié outre les traditionnels châteaux gonflables, murs d'escalade, ballons, grimages, des animations aussi par Lidl puisque vous parliez d'une nourriture saine. Eh bien, Lidl met vraiment un point d'honneur à faire découvrir des fruits et des bons jus de fruits. Voilà, aussi ces enfants qui viennent de plus en plus nombreux quand même participer à la petite boucle ADEP. Ça aussi, c'est une priorité qu'on veut garder, bien entendu, pour l'édition 2017. Voilà, j'avais envie de resituer un peu les choses. Musique, et ensuite on reprend, comme vous dites, on reprend un peu la deuxième partie de la balade en direct et en image, même si on est à la radio. Coa, coa, coasse la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. En été, le père Jean-Jacques Brunin débriefe ses enfants de cœur. Est-ce qu'il existe un groupe dans le monde qui ressemble à ce que Stella fait ? Un peu les Rolling Stones. Alors ce dimanche, vous ne retrouverez que les meilleurs moments de l'émission. Bonjour, vous avez bu ? Un peu. Et eh bien regardez-vous, vous tenez pas debout. Ah oui, mais moi monsieur, je conduis assis. Le best-of des enfants de cœur, un instant béni, ce dimanche, de 9h à 10h30, sur Vivacité. Nissan, c'est de la barrière, votre concessionnaire à Bury-Péruet. Nissan, innovation that excites. Est-ce que vous êtes sûr ce soir ? Ce samedi, retrouvez tous vos amis.

qui va vous indiquer votre retour en Belgique. Bah jusqu'à présent, en tout cas Sylvie, je ne vois que des plaques qui sont encore jaunes. Signe que nous sommes toujours du côté grand-ducal des choses, mais la frontière n'est plus très très loin, Adrien. Oui, grand-ducal et grosse voiture. Hein. C'est dingue, on sent qu'il y a de l'argent par ici. Hein. C'est assez fou. C'est donc pas un cliché. Oui. Mon tandem, par contre, est un peu plus lourd. Marie-Pierre, on n'aurait pas dû forcer sur la dégustation de panna cotta au Métrangue. Ah, c'était bon, c'était divin. Franchement, je l'ai dit, c'était à tomber. Cette panna cotta, on sentait bien le croquant. Et puis, y avait une sorte de petite gelée à l'orange et au basilic qui fondait dans la bouche. Oh là là, j'y pense encore. Ceux qui n'ont pas dégusté à vos côtés vous remercient. Oui. Mais par contre, peuvent se rattraper en allant sur vivacité.be ou alors sur la page Facebook. Pour le faire soi-même. Beau vélo de Ravel, puisque Loïc Péchard, notre Tintine reporter, est allé filmer la préparation de ce plat et la mise en ligne. Donc vous pouvez aller voir comment ça se prépare et vous verrez que c'est simple et tellement bon. D'accord, bah je vais essayer, Adrien, cette recette donc de la panna cotta. On va bientôt passer la frontière, on l'a dit. On ira vous conter donc cette légende qui est liée avec l'abbaye, l'ancienne abbaye de Clairefontaine. C'est l'histoire qu'on vous raconte après 15h, Sylvie. Pas de problème, mais vous allez normalement donc aussi, quand vous rentrerez en Belgique, quand vous verrez cette borne dans le talus sur votre droite qui vous indiquera votre retour, vous entrerez en effet dans le joli petit village de Clairefontaine. Et c'est vrai qu'à Clairefontaine, vous verrez des choses extraordinaires, et notamment la chapelle Notre-Dame du Bel Amour. On en a parlé tout à l'heure. Bon, ils sont là, nos artistes, pour les showcases avec le soutien de Joker Plus. Donc, Silva, l'auteur, compositeur, interprète belge de père sicilien, évidemment, sera des nôtres pour nous interpréter ses chansons de son album, et puis intitulé 22h22, et puis son dernier titre, Selena et Sofia, duo de sœurs, qui viendra aussi interpréter ses chansons. Et puis, Stella, Jean-Luc Fonck, avec son groupe, s'il vous plaît, qui nous parlera de son dernier album, de la dernière tournée, Regrette-moi dans les yeux, c'est le titre évidemment qu'on donne à l'actualité de Jean-Luc Fonck. Tout ça, ce sera à suivre juste après le flash de 15h. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce samedi, dès 18h, Courtrai, Club de Bruges et Moucron-Péruet, Saint-Trond. Et dimanche, dès 14h, Eupen, Anderlecht et la Gantoise, Westerlo. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. Ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies. Un PC très lent, ça rend très vite fou. Profitez donc très vite de nos super deals sur le plus grand assortiment de PC portables, d'ordi 2 en 1, de smartphones et plus encore. C'est uniquement maintenant dans nos magasins et sur Mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Vous écoutez Vivacité, il est 15h. Le retour de l'info avec Justine Hermans. Bonjour à tous. La Belgique s'apprête à nouveau à vibrer avec les Belgian Tornadoes aux Jeux de Rio pour la finale du relais 4 x 400 mètres. Peut-être une 7e médaille belge, on peut y croire. Les relayeurs sont arrivés à la 3e place du classement après les séries la nuit dernière, derrière la Jamaïque et les États-Unis. Et c'est Kevin Borlée qui a été le plus rapide des 4 Belgian Tornadoes. Il a couru son relais en 44 secondes et 15 centièmes. Et si vous voulez suivre le relais belge cette nuit, il faudra veiller. Tard, la finale est prévue vers 3h30. Un peu plus tôt, dans une heure, d'autres Belges en lice, Claire Michel et Catherine Versteuft en triathlon féminin. À 17h30, vous pourrez suivre Gita Mikkels en VTT. Et ce soir, pour les amoureux de football, plusieurs rencontres au programme. Courtrai reçoit le Club de Bruges à 18h. Ensuite, trois autres rencontres à 20h. Saint-Trond-Moucron, Waasland-Beveren-Malines et Zulte-Waregem-Ostende. La justice allemande enquête sur la mort de 6 Belges. Ils étaient tous des patients de Klaus Ross, surnommé le guérisseur de cancer. La justice allemande souhaite en fait exhumer les dépouilles de ces patients pour savoir si leur mort est en lien avec la thérapie anti-cancer de Klaus Ross. Il a utilisé des médicaments qui étaient encore en phase expérimentale et qui auraient pu causer la mort de ces 6 Belges, mais aussi de 63 Néerlandais. Le centre du cancer du guérisseur a été fermé il y a 2 semaines. Lui n'a pas encore été interpellé. Des milliers de personnes se réunissent en ce moment à Templou pour la plus grande brocante du pays. Elle dure tout le week-end, 800 brocanteurs sont présents et 150 000 visiteurs sont attendus sur les 2 jours. Autre rendez-vous, plus au sud du pays, le 43e Festival des Arts de la rue à Chassepierre en Gaume. Le petit village est envahi de jongleurs, de marionnettistes ou encore de bonimenteurs. Plus de 50 compagnies seront présentes aujourd'hui. Le festival continue aussi demain. RTBF Mobile Info avec Marjorie Bilot. Il y a quelques ralentissements sur le ring. Oui, suite aux travaux à Anderlecht, donc c'est en circulation intérieure que vous perdez plus ou moins un quart d'heure à partir d'Eusingen en direction de Grand Bigard. Seul souci en Wallonie et à Bruxelles pour l'instant. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Le beau vélo de Ravel continue sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Oui, Justine, et continue surtout d'être ensoleillée. Vraiment, le soleil a décidé de rester parmi nous. Et on l'accueille évidemment bien volontiers. On n'aurait jamais cru ça. Merci pour ce flash. L'info revient à 16h. Avec la carte Cora et le bon du Folder, jusqu'à 20% de remise au rayon papeterie. Une vraie leçon d'économie. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. 13h, 17h. Le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. So shy, you're right, take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right, take off my clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, and bless me further. Imani sur Vivacité. Je me promène sur cette plaine de manœuvre en direct d'Arlon, juste pour voir un petit peu, pour prendre un petit peu l'ambiance, et parce qu'il fait tellement beau. Alors les sangliers à cloche, ce groupe carnavalesque, sont... vous êtes en train de déguster quelque chose là. Je suis en train de voir. Qu'est-ce que vous dégustez ? Du métranque. Ben oui, évidemment. Tout le monde boit du métranque ici ? Arlon, oui. Celui qui ne boit pas le métranque, il est considéré comme quoi ? Parlonnais. Parlonnais. Bon ben, santé alors. Dans quelques instants, je vais quand même vous faire déguster autre chose. Je vais aller voir du côté d'un viticulteur de Torny. Donc on n'est pas très loin. Le domaine Poirier du Loup. On parlera de ce vignoble communal de Torny et surtout de ce crément bio qui a été l'un des premiers sur le marché. Et puis je vous parlerai aussi de ces saucisses, de ces bâtons de saucissons secs, fumés ou nature, qui proviennent de la Belle des Prés. Voilà, nous sommes à Bellevaux, dans la région de Bouillon. Ce sont des producteurs qui sont là grâce à la PAC W. À tout de suite. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Vivacité présente Templou 2016, la plus grande brocante de Belgique, les 20 et 21 août. 6 km de brocante et plus de 1500 exposants vous attendent pour ce rendez-vous immanquable de l'été. Brocante et collection commencent dès le samedi matin. La brocante de Templou, avec le carnet des collectionneurs, l'avenir.net et Proximag. Templou.be. Nissan, c'est de la barrière, votre concessionnaire à Bury-Péruet. Nissan, innovation that excites. Vous cherchez un enseignement maternel et primaire de grande qualité, un enseignement général, technique et professionnel à haut potentiel? Venez nous rejoindre à Orsini de Werp, l'Athénée Royal de Jumet. Inscription et permanence jusqu'au 5 juillet et à partir du 16 août, de 9h à 12h et de 13h à 15h, ou sur rendez-vous. Athénée Royal Orsini de Werp, franchise et volonté. Toute information utile sur le site www.arod.be, arod.be, ou au 071 25 69 00. Jusqu'à 17h, le beau vélo de Ravel. Des manœuvres, pleines des manœuvres. À Arlon, nous sommes, alors que Selena et Sophia, duo de filles ennuyères, viendra tout à l'heure pour le showcase en concert et commence maintenant les balances sur la scène. Alors, j'ai envie de découvrir ce saucisson sec, fumé ou nature que vous proposez. Je ne sais plus votre prénom. Vinciane, voilà, la Belle des Prés. Souvent, à mon avis, souvent comme ça qu'on vous appelle, non ? Oui, maintenant que je commence à avoir l'habitude, oui. Eh ben, je préfère dire ça. Belledespres.be, vous êtes donc dans la région de Bouillon, à Bellevaux. De Bouillon, exactement, à Bellevaux plus précisément. Vous m'avez expliqué donc que chez vous, c'est de la vente de viande fraîche charolaise à la ferme, en colis et sur réservation. Alors, ce qui est extrêmement important de souligner, et c'est ça vraiment à mettre en évidence quand on présente les producteurs locaux et artisanaux, on peut le dire, c'est que vous avez transformé votre garage en atelier. Donc, ça veut dire que la voiture n'a plus sa place. La voiture dort dehors maintenant, oui. Donc, j'ai transformé le garage, oui, voilà, maintenant 2 ans. J'ai repris des cours de boucherie pour avoir mon diplôme de boucher. Et depuis 2 ans, donc je découpe en moyenne une fois par mois une vache que je propose donc en colis aux gens qui réservent. Vous, une femme alors ? Oui, mais je dois avouer que j'ai quand même un boucher expérimenté qui m'aide pour la découpe. Sinon, tout ce qui est transformation, emballage, étiquetage et vente, c'est moi qui m'en occupe. Ça, c'est vous. Et alors, donc, vous n'êtes pas venu avec votre vache découpée, on l'a bien compris, mais avec ce que vous avez de trop, c'est ça ? Parce que vous transformez le trop en ça, en ce que vous nous faites déguster aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque découpe, il me reste toujours un peu quelques kilos d'un vendu qui ne rentre pas dans les colis, souvent plutôt des morceaux, je veux dire, de deuxième catégorie. Et donc, je fabrique tout un assortiment de saucissons que je propose en vente sur des petits marchés ou à la ferme, ou que je propose aux clients qui viennent chercher leur colis lors de la découpe suivante. Voilà, donc ça veut dire qu'ici, vous avez quand même un petit stock sympathique. Oui, mais c'est toujours en production assez limitée, donc je n'en ai pas tout le temps. D'accord. c'est ça. Et la spécialité, en tout cas, ce qui vous fait le plus connaître, c'est celui-là ? Oui, à entendre les dires des gens qui l'ont goûté, le bâton de bœuf séché remporte un grand succès. Le bâton de bœuf séché. Alors ça, à ma gauche, donc, à manger, à ma droite, à boire. J'arrive tout juste, puisque vous revoilà. On parle avec vous de ce domaine de Torny. Vous êtes viticulteur amateur bénévole, Daniel. Absolument. Bon, ça veut dire que ce que vous nous faites déguster là, ben vous le connaissez vraiment bien, le produit. Oui, parce qu'on l'a fait de A à Z. Donc à ce moment-là, ben, on sait exactement quoi. Chaque gorgée, on sait par où il est passé. Donc c'est un délice. Voilà. Bon, je l'ai goûté, votre crément bio. C'est comme ça, hein ? C'est un crément bio ? Tout à fait, un crément rosé bio. Un crément rosé bio. Il est vraiment très, très bon. Très, très bon. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? J'ai pas envie de dire plus par rapport aux autres, mais qu'est-ce qu'il a de particulier, le vôtre ? Alors, on va dire que toutes les mamans de ce crément, ben, c'est tous des bénévoles déjà. Donc il a déjà une âme tout à fait différente parce qu'il n'y a pas de professionnalisme derrière. Il y a tous des amateurs qui relèvent un défi d'essayer de faire quelque chose, autre chose que de la bière dans cette Belgique, d'avoir essayé de commencer à avoir une réputation qu'on peut aussi, on prévoit, en fait, on anticipe sur le réchauffement climatique. Et, oui. Et puis d'ici quelques siècles, on sera la Bourgogne, très certainement de l'Europe, quoi. Voilà. Mais Torny est quand même un village au microclimat, on en parle beaucoup. Vous êtes situé donc à Rouvroy en Gaume, mais c'est vrai que c'est important finalement. Ah oui, tout à fait, parce que là, il y a Rouvroy qui est la commune, il y a Torny qui est le dernier village belge. Donc, on peut le dire quand même, c'est là qu'il pleut le moins de toute la Belgique. C'est ce qu'on dit, appeler la petite Provence. Ah oui, parce qu'avec ces toits qui sont faits en tuiles canal, alors on est vraiment ailleurs tout en étant en Belgique, en fait. Ah, ça c'est génial, et c'est vraiment ça qui est le plus important et le plus enrichissant chaque semaine, d'étape en étape, c'est vraiment de parler avec des passionnés, des convaincus que dans leur région, il y a ces choses en effet qu'il n'y a pas ailleurs, mais finalement ils ne sont pas concurrentiels, c'est simplement une complémentarité et ça, ben ça fait notre pays finalement et on en est bien fiers. Bon voilà, moi je m'amuse aussi. Pendant que les autres sont partis faire du vélo, Adrien et Olivier et les milliers de ravelistes qui les suivent, bien voilà, j'avais envie moi aussi de prendre part finalement aux festivités d'ici. Voici James Morrison côté musique et puis ensuite on repart quand même prendre des nouvelles du peloton et de leur retour en Belgique tout proche. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, the peace backs away. James Morrison. Et je suis vraiment devant un scénario assez particulier. Je suis devant une ruche, toujours dans le village des producteurs en compagnie de Jocelyne. On vient juste de papoter, Adrien et Olivier. Et je suis quand même contente d'avoir des personnes comme ça, non seulement qui me font goûter du miel artisanal extraordinaire, au trèfle et au tilleul. Voilà, vous choisissez l'un ou l'autre, mais surtout d'avoir des abeilles comme ça devant moi et de me rendre compte qu'il y a encore des personnes qui préservent les abeilles. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez, on ne sait pas, des insectes autour de vous? Est-ce que pour le moment, non, pas des insectes, mais on a pas mal de belles choses à nos côtés, n'est-ce pas, Adrien? Alors qu'on est dans une petite côte là, Adrien, qui nous sort de Clairefontaine. Alors je vais peut-être vous raconter l'histoire quand même, la légende d'Hermesade et de Waléran. Cette légende qu'on a déjà un petit peu teasé tout à l'heure, Colette. Absolument, oui, et bien voilà, il s'agit de la comtesse Hermesade, qui était à la tête du comté de Luxembourg, qui a épousé Waléran d'Arlon. Et donc, notre amie Hermesade était très dévouée à la religion, et elle est venue se reposer ici, dans le Val de Clairefontaine. Elle a fait un songe, et dans ce songe, il y avait la présence de la Vierge et de moutons. Le mouton est un peu particulier. Hein. Ouais, et ça correspond voilà. Elle a fait interpréter son rêve par un ermite du coin. Voilà, elle a consulté l'ermite du coin qui lui a suggéré de fonder l'ordre des Cisterciennes. Non, mais dans son testament, voilà, là-bas, c'était là. Et c'est donc à elle que l'on doit, d'après la légende toujours, Adrien, l'abbaye de Clairefontaine que l'on a laissée dans notre dos, maintenant avec une très belle chapelle qui vous a bien inspiré également. Oui, hein. la chapelle Notre-Dame du Bel Amour. Il faut dire qu'ils avaient du flair à l'époque pour voir où ils allaient planter leurs abbayes et construire leur chapelle. De toute beauté, hein, Marie-Pierre. Oui, c'est vrai que c'est très très beau. Et effectivement, c'est une chapelle qui date... qui a été construite sur ce site donc, du 15e siècle. Et d'ailleurs, on peut toujours visiter actuellement les ruines de cette ancienne abbaye cistercienne. Et c'est vrai que ça vaut le déplacement, ça vaut le détour, à vélo, à pied ou autrement. Oui, puisque ces ruines sont situées à proximité du Ravel. Allez, on va faire un tout petit micro-trottoir, micro-peloton, voir un petit peu ce que nos éditeurs pensent de la balade. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? De Monsen. Monsen. Ah, ça, c'est la région de l'est du pays, la communauté germanophone, Vickets. C'est ça. Good? Non, français. D'accord. Est-ce que la balade vous plaît? Très bien. Impeccable. Impeccable. Alors, il y a de la concurrence parce que nous, on filme avec des caméras un peu partout, mais vous, monsieur, vous avez mis une caméra sur votre casque. Oui. C'est quoi? C'est une GoPro? C'est une GoPro, oui. Mais qu'est-ce que vous faites avec les images? Ah, je les regarde. Je fais un film. D'accord. C'est une GoPro que j'ai gagné grâce à l'université. Vous l'avez gagné sur, sur le beau vélo? Elle est passée, oui. Ah, très bien. Mais écoutez, pas mal. Je irai voir votre site. Peut-être qu'il y a des images qui vont m'intéresser. Ah oui. Ok. Pour alimenter, illustrer notre émission. Oh, Olivier, je vais. Ça, c'est rare. Une interview d'un bourgmestre en direct. Un bourgmestre à vélo. J'essaie de le rattraper parce qu'il me semble que vous avez. C'est pas un vélo électrique, ça? C'est un vélo électrique, absolument. Ah ben voilà. Vous êtes le bourgmestre d'Arlon. Oui. Et le vélo électrique, c'est pas par hasard à Arlon. Non, vous pouvez vous rendre compte que ça monte et ça descend. Donc si on veut faire du vélo, je crois que. Pour ceux qui ne sont pas des grands sportifs, il faut se faire un peu aider par une assistance électrique. Est-ce que vous mettez des vélos à la disposition du personnel? Absolument, c'est d'ailleurs la promotion de ces vélos électriques que je voulais participer aujourd'hui. Ce sont des vélos que nous avons achetés via l'office du tourisme avec Catherine Goffinet, notre échine, et nous avons été subsidiés d'ailleurs pour ça. Et je voulais vraiment faire la promotion aujourd'hui. C'est uniquement pour le personnel ou bien les touristes peuvent aussi? Non, c'est pour les touristes, c'est pas tellement pour le personnel, c'est pour les touristes. D'accord, on aurait dû se rencontrer avant. Mais pourquoi vous auriez voulu prendre mon vélo et moi le vôtre? Bah écoutez, c'est parce que vous êtes avec Marie-Pierre, ça. Ah, certainement. Marie-Pierre, ça fait plaisir à entendre, non? Bah oui, je me demande si je vais pas mettre monsieur le bourgmestre sur le tandem avec Adrien et puis moi, achever la balade en vélo électrique. Ah, vous vous débarrassez des deux mecs à la fois, en fait. Oui, voilà, c'est ça. D'autant, Marie-Pierre, qu'Adrien nous a confié lorsqu'on est reparti après l'ravitaillement, qu'il n'y aurait plus un seul mètre de plat avant l'arrivée. Et ça se confirme. Ah, je vais jouer carte sur table. Hein. Oui, là, de ce côté-là, c'était Franck au Martaban. Et je peux vous dire que ça ne fait que commencer. Pour l'instant, c'est un faux plat ce que vous faites. Oui, il y a un mur à la fin de l'étape, paraît-il. Non. Si. Si, si. Je vais descendre. Bon, si on tournait du côté des abeilles de Sylvie. Je vais retourner manger de la panna cotta, moi. Amenez-nous un petit peu, Sylvie, de gelée royale pour Marie-Pierre, s'il vous plaît. Pas de problème, pas de problème. Je peux vous en commander, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a comme monde ici? Je vous assure, à mon avis, les Arlonnais, puisque ce sont quand même les gens plus près d'ici qui viennent pour les festivités en dernière minute, on va dire. Ceux qui viennent d'un peu plus loin sont partis avec vous. Ils ont vraiment perçu ce soleil qui allait rester avec nous, bah oui, avec nous toute l'après-midi. Ils sont vraiment venus. C'est extraordinaire. J'adore. Je suis parmi les sangliers. Vous voyez, les sangliers à cloche, je ne sais pas pourquoi ils m'ont captivé. Ils m'ont captivé. La nouvelle égérie des sangliers. C'est extraordinaire quand même. Leur costume. Vous mettez des cloches autour de la table. Non, merci. Sinon, on va vous suivre à l'oreille. Merci. Quel est votre prénom? Moi aussi, j'ai envie de faire un micro trottoir. Quel est votre prénom? Jean-Pierre Mandy. Jean-Pierre, mais c'est quoi cette médaille alors? Ça, c'est la médaille de la confrérie du Métrinque. Ah, Olivier en a parlé ce matin. Alors, c'est les sangliers apparemment aiment bien les Métrinques. Les sangliers et la confrérie du Métrinque, ce sont des amis. On travaille ensemble, on est pas seulement amis, on est frères. Il en reste un petit verre pour moi? Oui, bien sûr. Je dois aller jusque là ou bien vous allez me la porter? Vous allez me la porter au studio? Je peux vous la porter au studio. Magnifique, à tout de suite. Alors voilà, voyez comment on se fait des amis. Allez, à tout de suite. Le Métrinque, c'est pas fort. Hein. Donc voilà, je n'en boirai qu'un, la confrérie du Métrinque qui est ici. Je passe devant le podium où se dérouleront les showcases tout à l'heure. Voilà, je fais signe à Selena et Sophia qui seront tout à l'heure sur scène. Et je peux vous assurer que ce qu'elles font, on aura l'occasion de vous faire entendre des petits extraits tout à l'heure entre 16h et 17h. C'est extraordinaire. Allez, c'est Kenji qu'on a dans les oreilles dans quelques instants, qu'on n'a pas encore sur le beau vélo, mais qui sait l'année prochaine. Le voici. C'est une façon de voir la vie, un peuple plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, c'est des guitares de nuit sans fin, les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Yeah. Le rythme gitan, le rythme gitano, le rythme ensoleillé comme jamais, alors que les prévisions n'annonçaient pas ça encore une fois. Quand c'est bien, il faut le dire. Vous en êtes où, Adrien, Olivier ? On fait tout doucement son comeback sur Arlon, ville d'art, hein, ça se voit de loin, Marie-Pierre. Hein. Oui, effectivement, c'est une ville d'art, c'est une ancienne ville, c'est aussi le chef-lieu de la province du Luxembourg, hein, ça a toute une histoire également. Oui, avec l'église de Saint-Martin, voulue par Léopold II ici, avec ses 97 mètres de hauteur pour vraiment lui donner ce statut de chef-lieu, avec pas mal de musées aussi consacrés à l'histoire, à l'archéologie. Ah oui, c'est Pierre. Hein. Vous parliez de l'église Saint-Martin qui est néo-gothique, mais celle qu'on connaît le mieux, qui est sur le sommet de la ville d'Arlon, à plus de 400 mètres, ouais. C'est Saint-Denis, hein, de style baroque. Et puis tout cela, c'est finalement l'histoire assez récente par rapport au bas-relief qu'on a trouvé ici et qu'on a maintenant le loisir d'aller voir du côté du musée d'archéologie. Colette, l'endroit qu'on peut aller visiter, on en parle dans toutes les école primaire, la moissonneuse, la fameuse moissonneuse qu'on a retrouvée en bas-relief, c'est ici Arlon, ça, hein ? Oui, on a retrouvé un extrait du monument ici à Arlon et un autre extrait à Virton. Voilà. Et on les a réassemblés. Il y a un original qui se trouve ici à Arlon et la copie de Virton qui est accolée à l'original ici à Arlon. On disait tout à l'heure une des plus anciennes villes de Belgique. Alors on se bagarre gentiment avec la ville de Tongres également. On est là dans la période gallo-romaine où Arlon était, je l'imagine, située sur une route importante. Voilà, elle se trouvait donc au croisement de deux grandes voies romaines. La voie romaine justement allant à Tongres, de Tongres vers Metz, et l'autre de Reims vers Trèves. Et on peut également aborder l'histoire un peu plus récente de la région par l'intermédiaire d'une famille notable, la famille Gaspard, dont la maison est à visiter également ici. Là, on retourne à la fin du 19e, au début du 20e. Tout à fait. Donc cette maison se situe au centre d'Arlon. Donc c'est la famille Gaspard. Et je vous signale aussi qu'il y a une très belle salle au rez-de-chaussée qui est consacrée à l'art religieux. Elle abrite d'ailleurs un superbe retable de Fusaine du XVIe siècle. C'est ce qu'on avait dans les églises, un tableau en trois parties. Voilà, c'était des éléments qui se trouvaient donc dans le fond des églises, enfin collés à l'autel. Ouais. Voilà. Voilà, donc allez voir tout ça. Venez à Arlon pour visiter ces musées. Vous êtes d'ailleurs guide, alors on a dit guide nature tout à l'heure, mais vous êtes guide dans des musées de l'entité également. Voilà, je suis guide au musée archéologique et au musée Gaspard et au tourisme également, bien entendu. Il n'y a pas que moi, on forme toute une bonne équipe à votre service. Combien ? On a une idée du nombre de touristes qui viennent à Arlon chaque année ? Alors là, vous me posez une corde. Il en fallait quand même bien une sur l'après-midi, Colette. En plus, vous appelez Colette, donc c'est normal que je vous pose une colle. Mais voilà, c'est tout à fait une réussi. Une petite colle, c'est une Colette. Voilà. Très bien. Bon, ben, on arrive maintenant du côté d'Arlon. On est en train de sillonner les premières rues, Sylvie, ce qui veut dire qu'on n'est plus très très loin de vous, ce qui veut dire aussi qu'entre maintenant et tout à l'heure, il nous reste pratiquement un mur à gravir. Le fameux mur d'Arlon. Le fameux mur d'Arlon qui n'existe pas encore identifié tel quel avant aujourd'hui, mais qu'on va baptiser, c'est sûr et certain. Bon, dès que vous voyez un bâtiment en circulaire comme ça, avec plein de vitres, vous êtes chez moi, parce que je vous attends ici chez moi. C'est le palais de justice d'Arlon, ça. Absolument, c'est le palais de justice d'Arlon. Et nous sommes juste derrière, dans la plaine des manœuvres. Il y a énormément de monde. Oui, voilà, faites-moi un peu de place quand même. Cet après-midi, vous inquiétez pas, mais il va falloir vous faufiler. Vous verrez bien tout à l'heure. Ce sera donc encore une étape réussie. On peut déjà le dire quand on voit tout ce monde. Et puis surtout, tout ce qui attend ce monde. Ça veut dire les showcases tout à l'heure. Il y aura Jean-Luc Fonck et Stella au complet. Il y aura Sylva, donc auteur-interprète belge de chez nous. Et puis il y aura Selena et Sophia. Ce sont vraiment tous des prénoms en A. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Voilà, je continue avec mes A. C'est pour la rime. Allez, à dans quelques instants, petite pause qui s'impose. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vos futures études avec l'ITCF France. Enseignement technique professionnel, CFA et 7e année professionnelle. Puériculture, coiffure, mécanique auto, électricien, automaticien, menuiserie, maçonnerie, hôtellerie, sylviculture, parc et jardin, traiteur, organisateur de banquets, boucher charcutier. Surfez vite sur itcffrance.be ou téléphonez au 060 21 06 70. 060 21 06 70. Inscription à partir du 16 août. Inscription à partir du 16 août.

On aime beaucoup, on parlait il y a quelques instants du pouvoir des abeilles qu'il faut préserver à tout prix grâce à l'apiculture, entre autres, bien sûr. Le pouvoir des fleurs, c'est une chanson qu'on aime énormément. Et c'est vrai qu'on vous en fait découvrir des natures différentes, des natures diverses. Et on parle beaucoup d'histoire et d'architecture. En tout cas, vous me semblez passionné par l'histoire et l'architecture aujourd'hui, Olivier. Ouais, mais bon, il faut savoir que j'aime assez bien ce qui est, pas vieille pierre, mais voilà, l'histoire par les bâtiments. Et c'est vrai qu'on peut se la raconter ici à Arlon parce que les différentes époques se côtoient, et notamment l'histoire du début du 19e siècle avec la création de la Belgique. Et on a créé de toutes pièces un chef-lieu pour la nouvelle province du Luxembourg belge, donc Arlon. On a dû construire les bâtiments qui allaient avec, Colette. C'est tout à fait juste. On a donc aménagé une nouvelle place qu'on appelle la place Léopold. Et sur cette place Léopold, on a construit des bâtiments qui répondaient au statut d'Arlon, chef-lieu de province du Luxembourg. Notamment le palais du gouverneur, voilà. Dans un style néoclassique. Voilà. Non, le palais du gouverneur, donc néoclassique, et le palais de justice néogothique. C'est très bien, Olivier. Parfait. Oui. Et attention, Olivier, parce qu'il n'y a pas que des vieilles pierres. À Arlon, il y a aussi une jeune Marie-Pierre. Oui. Qui pédale avec nous, qui retrouve ses amis sangliers pour l'instant, oui. Marie-Pierre. Ah oui. Et vous avez aussi de la famille dans le coin, hein. la région d'Arlon qui vous est chère au cœur. Oui, effectivement, y a ma tante, ma cousine qui habite Arlon, et c'est vrai que ma maman est originaire de la province du Luxembourg, elle est originaire de Neuchâteau qui se trouve à environ 30 minutes d'Arlon. Donc voilà, je reviens un petit peu dans la famille finalement. Oui, oui, oui, pays de Jules Metz, hein, on parlait de Neuchâteau, cette ancienne gloire de la météo. Monsieur qui météo, vous a formé, hein. Au début, hein, Marie-Pierre. Ah oui. Exactement, et d'ailleurs pour la petite histoire, ma grand-mère a été sa babysitter aussi. Ah ben voilà. Voilà, ben oui, la boucle est bouclée ainsi. Toute l'histoire et les coulisses de la télé racontées par Marie-Pierre en direct d'un vélo, alors que nous arrivons à l'instant même, Sylvie, sur le village arrivé du beau vélo de Ravel. Bonjour Sylvie. Bonjour. Devant la scène, on a entendu les balances de Sylvain qui produira tout à l'heure. Ça a fait vraiment du bien cette balade. Et je ne vous avais pas menti, hein. Regardez Adrien, Olivier, le monde. C'est noir de monde. Hein, c'est quand même noir de monde et c'est très coloré. Je sais pas, il y a une couleur particulière aujourd'hui. La couleur du ciel de cet après-midi est tombée sur le sol. Ah, tout à fait. Mais vous parliez de couleurs tout à l'heure aussi dans le Luxembourg. Donc ce pays que vous avez traversé, c'est là que nous avions fait notre halte ravitaillement. Les couleurs un peu différentes. Je sais pas, il y a une ambiance un peu différente. Et ben voilà, retour aussi au bercail avec malgré tout des gens très colorés aujourd'hui qui sont là maintenant pour faire la fête. Voilà, parce que c'est maintenant qu'on commence à faire la fête. Le matin, voilà, on se retient un peu. On essaie quand même de garder la forme pour la balade. Et je pense qu'aujourd'hui c'était accessible, même si la deuxième partie était très difficile, vous l'avez dit. Bon, on se replonge un peu dans la musique, le temps de quitter les bécanes, et puis vous me rejoindrez ici en studio, ou alors j'irai parmi vous aussi dans la foule, puisqu'il y a encore pas mal d'animations à présenter qui sont en direct ici à Arlon depuis ce matin. Nous sommes là, et n'oubliez pas le rendez-vous télé demain à 13h35 sur la Une pour voir tout ça en images. Part of ocean, I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed a door. Behind me something more. The day I stop it all, it's true. And I will do it just for you. Swim a part of ocean. Ooh. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Ooh. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. Oh, something more. One day I'll stop it all, it's true, and I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. C'est du belge. Ils seront en concert avec Vivacité dans le cadre du festival Seine-sur-Sambre les 26, 27, 28 août à l'Abbaye d'Aulne. Elles seront aussi dans le cadre de ce festival la présente en tant qu'artiste Elena et Sophia que nous aurons l'occasion d'interviewer tout à l'heure et d'entendre tout à l'heure sur scène en showcase avec le soutien de Joker Plus. Alors où êtes-vous ? À mon avis sur la gauche. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est sur ma gauche, sur votre droite. Oui. C'est par là, en effet, que tout se passe pour l'instant. Oui, avec des flots entiers d'auditeurs qui arrivent, des auditeurs, des spécialistes du vélo du monde entier. Gilles Monin, vous venez de Suisse, mais vous avez rencontré pas mal de communautés différentes aujourd'hui. Oui, surtout une communauté d'étudiants, de bénévoles qui s'occupent d'étudiants qui vont à l'étranger, qui font venir des Belges, justement, je m'embrouille complètement. Alors, ils font venir des étrangers en Belgique et ils partent à l'étranger pour apprendre une nouvelle langue. D'accord, ça s'appelle YFU. Et donc, ils ont découvert la région. Vous-même, vous étiez déjà venu faire des reportages ici en Arlon. Ouais. Non, Arlon, c'est vraiment la première fois. Et j'espère y revenir aussi avec Gilles de Suisse, justement, pour découvrir un peu mieux. Alors, on rappelle qu'à côté de vos activités sur le beau vélo de Ravel, vous êtes aussi chroniqueur pour François Nazur dans l'émission qui va reprendre bientôt sur antenne le samedi, justement. Oui, le 27 août, il y a cette à la une qui recommence. Et la première, ça sera à Torremolinos, à la recherche des Belges en vacances. Alors ça, c'est dingue parce que c'est le hit de Stella, Jean-Luc Fonck, qui est des nôtres aujourd'hui. Et vous avez justement été faire cette émission là-bas. J'imagine que vous avez utilisé la musique de Jean-Luc Fonck. Évidemment, et c'est pour ça que j'y suis allé, parce qu'il y a son couplet qui dit « Je connais une ville à la Costa del Sol où il y a plus de Belges que d'Espagnols et je suis allé vérifier si c'était vraiment le cas. » Et c'est le cas ? Je préfère que vous regardiez l'émission. Je crois qu'il y a plus de Leonidas que de Gambas aussi. J'en ai pas vu, j'avoue, mais c'est une bonne rime en tout cas. D'accord. Bon, je connais mes classiques. Bonne chasse, Gilles, et à samedi prochain, évidemment, dans l'émission de François Mazur qui reprend donc aux alentours de 18h45 et sur la une, Olivier. Il y a aussi le Torremolinos, son cimetière. Mais oui. Ça, on n'est pas pressé. C'est là qu'il faut aller peut-être chercher les Belges qui. Voilà. Mais on enverra Gilles le Suisse. Bon, alors, moi, je vais faire. Vous avez déjà fait tout à l'heure un micro-cyclo, un micro-trottoir. Je vais faire un micro-sur-herbe à présent, à l'arrivée, pour savoir comment ceux qui étaient là tôt ce matin, c'est-à-dire ceux qui ont eu la chance d'avoir un t-shirt avec. Oui, 20 août Arlon, je confirme, c'est celui d'aujourd'hui. Bonjour, vous appelez comment ? Muriel. Vous venez d'où, Muriel ? D'Arlon. Ah, une Ardennaise, donc quoi, c'est. Une habitude pour vous le beau vélo ? Je ne suis pas d'Arlon, mais j'habite Arlon. Voilà, donc vous êtes venu vous installer. Voilà, exactement. Parce que vous travaillez dans le pays d'à côté. Notamment. Même pas. Bon, alors elle était comment l'étape ? Très bien, parfait. Moi je me suis senti en pleine forme, c'est-à-dire tout s'est bien passé. Et malgré le relief parfois un peu compliqué, le dernier mur, vous l'avez vécu comment ? Oui, ben, on a l'habitude, nous à Arlon, on sait que quand on sort d'Arlon, il faut toujours monter pour rentrer, donc on est habitué. Donc ça s'est bien passé. Pour partir, ça monte d'office pour revenir. Oui, ça c'est vallonné quand même dans le coin, donc on est habitué. Mais quel beau panorama on a vu. Alors, allez, je tends mon micro encore à une personne. Vous venez d'Arlon aussi, vous, monsieur ? Je suis d'Arlon également. Oui, oui. Mais il n'y a que des Arlonnais ici. Il n'y a que des Arlonnais, oui. La les gens ont eu peur de se déplacer. C'est peut-être. Lorraine Power aujourd'hui. Bon, vous, habitué du vélo, je vois que vous avez la tenue complète. J'ai une tenue de cyclo, oui. De cyclo quotidien? Non. Non. Cyclo du samedi? Un peu plus quand même. Ah, d'accord. Parce que nous, on ne dit pas cyclo du dimanche, vous comprenez. Ah, ce sera le cas quand même, Adrien, juste pour la dernière étape, celle du dimanche, sans voiture. Ce sera la date qui viendra ponctuer notre saison, évidemment. La seule étape qui a lieu un dimanche pendant la saison, la seule incartade que l'on fait au niveau du calendrier. Est-ce que vous êtes arrivé à proximité des bonnes choses? Pas encore. Je me ferai un chemin tellement il y a du monde. Et là, je tombe sur une petite famille qui est en train de raccrocher les vélos. Ça s'est bien passé, la balade? Oui, très bien. Super. Arlonnais aussi? Oui, Arlonnais, à côté d'Arlon. Donc, dans le village d'Instert, dans la commune d'Aterte. Donc, on est juste à côté. Aterte, très très bien. Madame a pédalé aussi? Non, elle a suivi en voiture. C'est pas vrai? Oui. Ça alors. Et quoi, c'était le camion balai au cas où quelqu'un craquerait? Tout à fait. Et non, vous... je connais la région et c'est vrai que c'est quand même difficile ici pour rouler en vélo. D'accord. Et mademoiselle, t'as fait la balade? Non, j'ai suivi ma maman. Aïe, aïe, aïe. Les dames en voiture, ça c'est un cliché quand même. Les dames en voiture. Et toi, bonhomme? J'ai fait en vélo. Et t'as quel âge? J'ai 10 ans et demi. 10 ans et demi et t'as fait la petite boucle de 10 km ou la grande de 25? La grande. Eh, super. T'es un champion. Ton prénom? Aurélien. Alors les filles, je compte sur vous. La prochaine, vous le faites à vélo, d'accord? En vélo électrique peut-être? Oui, ou alors je vous prends sur mon tandem. Ah oui, pourquoi pas? Ah ben voilà. Ouais, j'ai tous les tours. Hein. Très bien. Votre prénom? Mireille, c'est... on prend le rendez-vous. Hein. Ça okay, va, okay. Ok. Prochaine fois, un beau vélo Ravel à Arlon avec Mireille sur le tandem. Vous avez noté, Sylvie? Je note hein. Tout. Ah oui, okay, c'est okay. Marrant. Comme ça, parce j'oublie que... pas. Hein. Oui, mais non, vous savez comment je suis. Hein. Je note, et puis je dénote quand il y a un petit souci. Mais en général, il n'y en a pas. Et c'est vrai, quand vous lancez des défis. C'est vrai, et on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Vous n'avez vraiment qu'une parole. Hein. Ouais. Ouais, j'ai retenu votre défi de la semaine prochaine, hein, la médaillée olympique. Oui, hein. Nafissa Toutiam. On la veut. Oui, qui est avec la médaille. Avec sa médaille. Évidemment. Et puis un petit saut à la perche au-dessus du studio mobile de Vivacité. ça va faire des belles images. Chaque tout ça. Saut à la perche, elle ne fait pas encore quand même. Hein. Non. Elle fait beaucoup de choses, mais pas ça. Mais il faut innover après les ptathlons. Elle fait l'optathlon. Nous serons à Météfosse-la-Ville la semaine prochaine. Il restera Péroué, Liège et Bruxelles. Il en reste donc 4. Nous en sommes donc à la 9e étape ici à Arlon en direct depuis 13h. Et nous le serons jusqu'à 17h, puisqu'après 16h, ce seront les artistes qui viendront à notre micro. Stella, Jean-Luc Fonck. Il y aura Selena et Sophia et puis Sylvain en concert, en showcase sur notre scène avec le soutien de Joker Plus. Voici JCG. Price Tag sur Viva. Bon samedi à tous. J'espère encore une fois que vous avez les mêmes conditions météo que les nôtres. Parce que vous devez être ravis, évidemment. C'est pas du tout ce qu'on nous annonçait aujourd'hui. Jessie G, et ça se termine tout en douceur. Price Tag sur Viva. Vous voulez pas venir prendre ma place, Olivier et Adrien? Vous voulez pas reposer un peu vos fesses, non? Je puisse aller dans le village des saveurs et voir un petit peu ce qui s'y passe. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai en main, Sylvie? Un métranque. Exactement. Une métranque, un métranque. J'ai commencé ma journée en parlant. Je la termine plus ou moins en dégustant la spérule odorante, l'orange et le vin de Moselle. Oui, avec une petite pointe de cognac, telle en est la recette, comme on le fait à Arlon avec la confrérie du métranque qui nous reçoit aujourd'hui. On sent que vous l'avez goûté déjà. Oui, attention, parce que normalement, métranque, ça veut dire boisson du mois de mai, ça se boit au mois de mai. À partir du mois de mai. Ouais, ça se boit pas comme ça. Qu'est-ce que vous faites là? Un vin tout. Par contre, un vin tout, ce qu'on peut faire, c'est souhaiter un bon anniversaire à Jessica. Bon anniversaire, Jessica. Merci beaucoup. Jessica, qui était notre ambassadrice Cap 48 sur le dernier Ravel du bout du monde et qui revient régulièrement. Depuis combien d'années, en fait, Jessica? Alors, si je compte bien, ça fait... Donc, j'ai commencé, plus exactement, je serai très, très précise dans les dates parce que c'est un souvenir qui ne s'oublie pas. J'ai commencé le 31 août 2013 au Beauvais de Travel à Namur, donc là où on était la semaine dernière. Donc, dans ce cas-ci, c'était la spéciale Cap 48. Et là, j'ai eu l'occasion de chanter avec un groupe qui s'appelle La Colonie Musicale. Et puis, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai pu voir mon idole, quoi. Et c'était un merveilleux cadeau, même après mon anniversaire, c'était un merveilleux cadeau. Je crois que j'en ai encore des étoiles dans les yeux. Des étoiles et puis encore des notes dans la tête, parce que cette idole, on n'a pas encore donné son nom, mais on fait un peu de teasing. Vous pouvez chanter un petit extrait d'une chanson de cette idole, comme ça on va l'identifier ensemble. Allez-y un peu, Jessica. Avec plaisir. Donc voilà, c'est. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. Ah, d'accord. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Tu trouveras Natacha Saint-Pierre. Voilà, bravo Jessica. Alors Jessica, vous êtes non-voyante, mais vous participez avec tout votre cœur à ces balades. Qu'est-ce que vous avez vu comme ça, avec tous vos autres sens, lors de cette promenade en Lorraine, belge et grand-ducale, Jessica? J'ai surtout vu que ça montait. Ça grimpait, mais je suis super contente et je pense que Stéphane, mon pilote, était super content aussi. On est super content de nous parce que il y a un truc, on se dit voilà, on n'a jamais mis pied à terre. Et je dis toujours, quand on monte comme ça et quand on arrive en haut d'une côte aussi dure que celle qu'on a faite, je dis toujours, ça y est, on les a eus. Oui. Bravo Stéphane. Tout à fait, elle a roulé comme un chef. Je suis très fier de Jessica, mais je n'avais pas de doute. Je sais bien qu'elle renverse des montagnes comme elle l'a toujours fait. Elle a du peps. Ouais, ouais. Et elle a beaucoup de talent en plus. Ouais, ouais. Et elle commence à collectionner les visions sur Facebook et YouTube avec la chanson qu'on vient d'entendre, parce qu'il faut savoir que Jessica joue en plus parfaitement les morceaux de Natacha Saint-Pierre au piano. Oui, c'est une artiste complète. Sylvie, elle a son casque sur la tête, elle vous entend, donc vous pouvez lui poser une question, elle vous répondra. Moi, vous voulez que je pose une question à Jessica? J'ai posé la question il y a 1 heure environ, non, 3 heures avant qu'elle ne parte. Jessica, tu te souviens de la question? J'ai demandé à Jessica, et c'est bien que vous me lanciez là-dessus, Adrien. J'ai demandé à Jessica, qu'est-ce que tu fais le 6 octobre? Elle m'a dit, mais jusqu'à présent, rien. Et donc, je peux dire, maintenant, tu as quelque chose. Parce que je peux déjà en parler sur antenne, si vous le voulez. À partir de la semaine prochaine, j'en parlerai officiellement, bien entendu, avec la reprise de l'émission La Vie du Bon Côté. Je prépare 2 grandes journées Cap 48. Une journée de coaching, une soirée de conférence. Et j'aurai besoin de toi, Jessica, le 6 octobre, à Liège. Je prépare un grand événement dans Médiacité. Et donc, j'aurai besoin de toi pour interpréter tes chansons avec ton talent devant mon public qui viendra assister à mes conférences avec mes coachs. Tu es d'accord? Franchement, Sylvie, c'est avec un immense plaisir que j'accepte ta proposition. Et vraiment, je ne m'attendais pas à cette... enfin, je m'attendais pas à ça directement et sur antenne en plus maintenant. Oui, c'est ça. Voilà, c'est sur exactement. Mais j'ai toujours le mot code du Mexique que j'ai répété à Stéphane à plusieurs reprises. On lâche pas la patate. Adrien, vous avez quand même un talent exceptionnel parce que voilà, ça devait se faire hors antenne et ça s'est fait sur antenne et tant mieux. Vous m'avez vraiment lancé une perche incroyable. Ah, Merci Adrien. Vous êtes incroyablement relié à nous tous. Enfin voilà, je vous coupe parce que l'info arrive. C'est le flash de 16h et on se retrouve juste après. À tout de suite. Vivacité heureux. En toute complicité. Sur 99.5 FM. La 2 en télé. Trou détective. Le shérif de Vermilion a demandé notre aide après avoir trouvé un corps dans un champ de canne à sucre. 30 ans d'enquête pour 4 soirées ténébreuses. Vous avez déjà vu un truc comme ça ? Trou détective. Les deux premiers épisodes dès ce lundi sur la 2. Retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. T'as joué quoi comme signe astrologique pour ton Joker Plus ? Poisson. J'aurais parié. Vif, sensible, créatif, mais oui, t'as tout du poisson. Ah mais non, moi je suis bélier. Hein. Ah bon ? Ouais, mais on était vendredi et vendredi c'est le jour du poisson. Aujourd'hui je vais jouer balance. Pourquoi balance ? Mais parce que je commence un régime. Vous pouvez jouer à Joker Plus chaque jour. Par mise d'un euro 50, vous avez une chance sur 3,88 de remporter un gain et de faire de ce jour votre jour. Joker Plus. Chaque jour est un jour de chance. L'après-midi se poursuit sur Vivacité, il est 16h. L'info de retour avec Justine Hermans. Bonjour à tous. Le triathlon féminin commence maintenant aux Jeux Olympiques de Rio. Deux Belges en lice, Claire Michel et Catherine Versteuft. Elles font partie des 56 participantes. Un peu plus tard à 17h30 du VTT féminin, là aussi une Belge à suivre, Gita Mikkels. Et le rendez-vous du jour, c'est sans doute celui avec les Belgian Tornadoes. Le relais 4 x 400 mètres. Il est composé des trois frères Borlée, Jonathan, Kevin et Dylan et de Julien Watrin. Ils disputeront la finale cette nuit à 3h30 du matin. Hier, ils se sont qualifiés à la 3e place du classement, juste derrière la Jamaïque et les États-Unis. Toujours en sport, il y a aussi du football au programme. Courtrai reçoit le club de Bruges à 18h. Ensuite, trois autres rencontres, toutes à 20h. Saint-Tron-Moucron, Westland-Beveren-Malines et Zulte-Waregem-Ostende. Le nombre de détenus dans les prisons belges est en baisse. 10 300 prisonniers en cellule. C'est le nombre le plus bas depuis 2010. Trois raisons à cela, selon le ministre de la Justice Koen Gaens. D'abord, la Belgique expulse plus les prisonniers en séjour illégal qu'avant. Ensuite, il y a de plus en plus de places dans des centres psychiatriques spéciaux. Enfin, la justice a plus souvent recours aux peines alternatives, comme le bracelet électronique. Dans l'actualité internationale, en Syrie, plus de 300 civils, dont 49 enfants, ont perdu la vie en 3 semaines à Alep, une ville au nord du pays. Le régime syrien et les insurgés se la disputent. Les rebelles ont lancé une offensive majeure pour briser le siège du régime dans cette ville depuis 3 semaines. Plusieurs grands rendez-vous de l'été ce week-end en Belgique, notamment à Templou, pour la plus grande brocante du pays. 150 000 chineurs sont attendus sur 2 jours pour 6 km d'exposition. Et il y a aussi de l'animation à Chassepierre-en-Gaume pour le 43e Festival des Arts de la Rue. RTBF Mobile Info, comment ça roule, Marjorie Bilot ? Ça roule bien, ça roule pas trop mal. On a juste un passage qui est difficile sur la N80 Namur à nu, suite à un accident kilomètre 60 dans le dernier virage avant Gelbressé. Apparemment encore des petits embarras en direction de Anu. Et sur le ring de Bruxelles, la circulation est maintenant pratiquement fluide suite aux travaux à Anderlecht vers Grand Bigard. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pour trouver Sylvie Honoré sur Vivacité pour le beau vélo. Absolument, qui se poursuit cet après-midi, après l'effort, le réconfort avec tous nos artistes que vous entendrez durant cette heure-ci. Le journal de 17h revient dans moins d'une heure. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Jusqu'à 17h, le beau vélo de Ravel sur Vivacité.

tu fais avec le cartable du petit sur le dos? T'inquiète, je vais faire le plein chez Red Market. Il y a tout ce qu'il faut pour une rentrée réussie. Cette semaine, c'est 2 plus 1 gratuit sur plein de petits jus et biscuits. Hé, hey, remplis les cartables à fond, hein. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Gosselies, centre commercial City Nord. Ces années-là, on s'en souvient, on les a aimées. Pour la musique et pour tout ce qui s'est passé. Avant ou après. Dimanche, de 10h30 à 13h, Vivacité met de l'ordre dans vos souvenirs et, si votre mémoire ne vous fait pas défaut, vous couvre de cadeaux. Ces années-là, sur Vivacité. Elena, Selena. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Selena, donc je disais, et Sophia, premier duo ici à mes côtés, qui interpréteront dans quelques instants quelques titres, quelques compositions. Alors, je suis ennuyère, donc on se connaît un peu plus. J'ai bien connu aussi l'envol des cités, bien entendu, puisque j'y ai participé. Par contre, j'ai deux sources différentes qui me disent, elles sont de la Louvière, elles sont de Chapelle-Herlaimont. Je sais, en étant ennuyère, que la Louvière, c'est pas du tout Chapelle-Herlaimont. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est quoi? C'est Chapelle-Herlaimont. C'est Chapelle-Herlaimont. Il me semblait bien que j'avais la bonne info. Selena, tu es plus au chant, on va dire, hein, Sophia, tu es au cœur, mais voilà. Malgré tout, mais vous êtes toutes les deux multi-instrumentistes. Et alors, on va rappeler un petit peu, mais brièvement, parce qu'on va parler d'aujourd'hui et surtout de demain, que votre aventure a commencé non pas par The Voice, mais ça aurait pu. Mais c'est quand même, ce sont quand même des concours qui vous ont lancé, Sophia. Oui, on a fait quelques concours. C'est ce qui nous a vraiment aidé à évoluer, à pouvoir se faire un peu plus connaître dans la région. Et voilà, à force de faire des concours, de faire des petits concerts dans les bars. Et ben ouais, c'est comme ça que l'aventure commence. Mais vous auriez pu faire The Voice finalement. On aurait pu, mais c'est pas ce qui nous donne envie vraiment de passer par là. Donc le choix est bien clair dès le départ. Alors c'est vrai que vous avez déjà un bagage bien rempli. Il y a eu cette EP de 5 titres, hein, Selena, avril dernier. Il y a un an déjà. Hein. C'est ça, un EP 5 titres qui s'appelle À l'aventure. Et voilà, on a voulu intégrer des musiciens dans l'EP et voilà, ça fait déjà un an en fait, oui c'est vrai. Et on va jouer aujourd'hui 3 morceaux de l'EP justement. Donc, D'accord. Toujours celui-là. Mais c'est vrai qu'en un an, vous avez fait pas mal de dates. Je suis allée voir votre Facebook en vitesse, hein, et les avis sont unanimes. Vous avez deux voix cristallines, deux voix pures avec des textes remplis d'espoir. C'est vrai que vous imposez un style unique, quoi. Et c'est pour ça évidemment qu'on vous aime et qu'on vous traite. De talent, voilà. Ah ben, c'est vraiment gentil, franchement. Ça me fait vraiment plaisir. On essaie vraiment on a vraiment trouvé là où on voulait aller. Oui. Et voilà, on continue à deux à composer. C'est votre univers, quoi. Vous n'en sortirez pas. Voilà, là, pour le moment, comme on dit, voilà, on change, mais on reste toujours le duo et on essaye vraiment de composer encore pour pouvoir offrir de nouvelles mélodies et d'offrir notre univers aussi. Oui, parce que ce sont vos compositions, toutes et deux fois. Oui, c'est ça. On joue une ou deux reprises, mais de temps en temps, quoi. Mais sinon, c'est tout le temps des compositions. Est-ce que vous avez rencontré Francis Cabrel quand vous êtes allé aux rencontres d'Astafa? Moi, j'ai pas eu cette chance, mais ma sœur Selena. Oui, parce que moi, je suis partie toute seule, en fait, parce que c'était juste celle qui écrivait les textes. Donc, j'ai pu rencontrer Francis Cabrel et on a composé avec différents artistes de France, du Québec. Et ensemble, on a joué devant un jury qui était Francis Cabrel. Et voilà, c'était vraiment une belle expérience. Une sacrée expérience. Vous serez sur la scène de Seine-sur-Sambre le 28 août, festival bien connu et qui a pas mal de succès, bien entendu. Au festival d'Aubourg aussi, que je ne connais pas, le 11 septembre. C'est un nouveau festival Non, il existe depuis 2-3 ans. Oui, ça fait pas longtemps, mais... Il commence à se faire connaître petit à petit. Bon, alors, l'EP qui est sorti donc avec 5 titres, il est là, bien en place, et vous continuez évidemment à nous faire vibrer avec ces sonorités-là, parce qu'on on n'en a pas encore assez, mais il y a quand même de nouvelles compositions en préparation. Oui, bien sûr, mais là, on est en train de vraiment réfléchir à sortir quelque chose d'autre, bien sûr. Et vous avez déjà... un album, mais un autre EP, en fait. Et vous avez déjà l'inspiration, vous savez déjà dans quelle direction vous allez partir pour l'inspiration? Franchement, on commence vraiment à la trouver, et trouver quelques personnes avec qui travailler aussi. Parce que c'est important de trouver les bonnes personnes pour pour les chansons, enfin comment on veut travailler les chansons, et franchement on est vraiment en train de trouver peut-être un EP bientôt, prochainement. D'accord, d'accord. Alors le dis-le-moi encore plus fort, c'est évidemment ce titre qu'on va entendre dans quelques instants, comme ça les auditeurs vont bien savoir qui vous êtes, Selena Sofia. Qui c'est qui a eu l'idée de ce thème d'amour finalement qui est décliné un peu adolescence comme ça. Ah, ça c'est Selena. Ouais, enfin, c'est un peu naïf comme ça, et justement je me suis dit j'assume cette naïveté, je le fais, et j'ai écrit vraiment mes ressentis à ce moment-là, ça fait un petit temps maintenant, et on a trouvé la mélodie, un rythme un peu positif comme ça qui veut dire la vie est belle malgré tout ce qui se passe, et voilà. C'est super joli ce titre-là. De quel instrument jouez-vous? Quand je dis que vous êtes multi-instrumentiste, qu'est-ce qu'il y a comme instrument dans votre... Moi je joue de la guitare, oui, il y a une pédale loop, donc moi c'est guitare acoustique, pédale loop, donc j'enregistre des rythmes avec ma guitare, et aussi des percussions, ouais. Une grosse caisse, un xylophone, et Sofia, vas-y, je te laisse. Moi j'accompagne à la voix, donc je fais les chœurs, et je joue de la guitare électrique et du tom floor, donc c'est aussi des percussions, et il y a une mandoline aussi qui est là de temps en temps. Bon, pour le moment elle n'y est plus, mais elle va revenir, je le sens bien. Vous êtes de vraies sœurs, hein? Voilà, ça c'est la question évidemment que tout le monde se pose. Oui, vous en êtes des vraies. Est-ce que déjà toute petite vous chantiez ensemble? Oui, d'ailleurs, c'était retrouvé... pas le même style de musique. Alors, c'était ça, pas j'allais dire, est-ce que l'une copiait l'autre? Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous aviez deux univers différents? Non, on avait un peu le même univers. Maintenant, Sophie a écouté d'autres chansons, moi aussi un autre. Voilà. On peut dire que quand on était jeunes, c'était surtout les musiques italiennes. Et du rap aussi. Oui, on écoutait beaucoup de rap. Après, on s'est un peu orienté vers le rock, et ensemble, à force, on a trouvé notre style et ce qu'on aimait vraiment dans tout ça. C'est un petit mélange de tout en fait. Mais il pourrait y avoir de la musique italienne alors pour plus tard, on sait jamais. Je pense pas. Mieux vaut pas dans l'accent. On reste sur le français. On reste sur le français, on adore cette langue. On reste sur le français. Bon, on voit Christelline, comme je l'ai dit, multi-instrumentiste, cette furieuse rage de vie. Voilà, vous êtes spontanée, je trouve que ça se ressent très fort dans vos chansons. Vous serez donc, je le rappelle, à Seine-sur-Sambre le 28 août. Vous serez au Festival Debourg, est dans la région de Mons, le 11 septembre. En octobre, une date peut-être encore qui s'inscrira, donc allez voir sur leur Facebook, et puis vous travaillez de nouvelles compositions, voilà. Et on va surtout écouter le dis-le-moi plus fort, pour vraiment que les auditeurs se disent ah ben oui, c'est évidemment que j'ai déjà entendu ça puisqu'on l'a déjà passé sur Vivacité. Donc c'est de son tel, voilà, Selena Sofia. Merci, vous. Deux merci. Sœurs, elles sont du Hainaut, elles sont de Chapelle Herlaimont. Merci les filles, merci à vous, à tout à l'heure sur scène. Tout à l'heure. Dis-moi, dis-moi encore que la vie est belle. Répète-le-moi plus fort, juste au coin de l'oreille. Dis-le-moi encore. Peut-être, peut-être que je te croirai si tu me l'écris à l'encre d'or. J'aurai aucun regret et sans doute aucun remords. Si tu me le cries encore plus fort. Dis-le-moi plus fort. Alors, j'aime tellement la pureté, encore une fois, le cristallin de ces voix que j'ai voulu vraiment que ce soit jusqu'au bout. Oui, Jean-Luc Fong, que dites-vous ? Bon, je dis merci parce que je croyais que tu parlais de ma voix. Je me dis, allez, quand c'est même dingue, enfin quelqu'un qui reconnaît le talent, si tu veux. C'est rare. Selena et Sofia. Oui. Moi, oui. Ça rime avec Stella, mais c'est pas exactement. Aujourd'hui, c'est tout Théa. Ah oui, c'est exactement Selena, ça. Selena, Sofia, Sylvain, Stella. Exactement. Oui, c'est vrai. Il manque plus que Barbara. C'est marrant, il manque plus que Barbara. Bon, allez, dans quelques secondes, autant que vous terminiez votre eau pétillante, mon cher Jean-Luc. À tout de suite. En télé sur la Une. Si je t'ai apporté des pâtes de fruits. T'as bien fait, les vieux adorent les sucreries. Mais moi, pas. Quand un père et son fils se redécouvrent, la vie prend un autre parfum. Si vous voulez rentrer chez vous, il faudra faire des aménagements, enfin des travaux. Faut compter deux petits mois. Deux mois ? La fleur de l'âge avec Jean-Pierre Marielle et Pierre Arditi, lundi soir sur la Une. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Ce dimanche, retrouvez tous vos artistes préférés en live. De 18h à 20h, Vivacité est en concert. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce samedi, dès 18h, Courtrai, Club de Bruges et Moucron-Perruet, Saint-Tron. Et dimanche, dès 14h, Eupen, Anderlecht et La Gantoise, Westerlo. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Envie d'un nouvel ordinateur, mais pas de configurer votre boîte mail ? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 79€ par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt. Je ne suis pas fou. Vivacité en direct d'Arlon, toujours, et on s'y plaît tellement bien. On a tellement des périodes ensoleillées, une belle période ensoleillée d'ailleurs qui ne nous a pas quittés depuis le début de la balade, qu'on a envie de rester évidemment pour la suite. C'est Sylva en ce moment qui est sur scène pour son tour de chant. Jean-Luc Fong qui signe des dédicaces, ben voilà, il faut que ça se fasse évidemment. Jean-Luc, vous allez donc nous présenter aujourd'hui votre 14e album. Oui, c'est incroyable. 14e album. Alors certains disent que vous vous êtes calmé. Mais c'est quoi calmer ? Oui, mais c'est ça, je veux c'est dire. Quoi calmer ? Non, c'est-à-dire que dans le temps, quand j'avais un corps qui le permettait, je faisais des choses. J'allais dire, qu'est-ce que vous ne faites plus sur scène aujourd'hui que vous faisiez avant ? Voilà, je pouvais faire des choses. Ah oui, c'est ça. Mais si tu veux qu'à un moment donné, il faut, par respect du public. Pas pour rien que le spectacle s'appelle Grabateur en même temps. Oui, Grabatour. Vous avez fait le jeu de mots sans vouloir. Le Grabatour, c'était la dernière, et là, c'est la tournée Olé Olé. Donc, ah oui, c'est Olé Olé. Bah, on s'est calmé, qu'est-ce que tu veux ? Il y a tellement de jeux de mots qu'on ne s'y retrouve plus. Donc Grabatour, c'est fait. C'était les 40 ans de carrière du groupe. Voilà, aujourd'hui, le nouvel album donc, s'intitule « Regratte-moi les yeux ». Et Olé Olé, c'est la tournée. La tournée. Alors, la chanson Conchita Poilu comme Chita. Conchita Martinez, qui n'a rien à voir avec la tennis woman. Hein. C'est par hasard, si tu veux. On hésitait entre Pepita Fernandez, tu vois, parce qu'on se dit qu'il y a un vrai nom espagnol. Conchita Martinez, mais ça n'a rien à voir avec cette fille. Donc c'est une histoire dramatique. Et alors on a des costumes, et ça explique, si tu veux la tournée Olé Olé, explique les costumes. Le nom de la tournée explique les costumes. Et c'est la tournée qui va mener certains membres du groupe à 60 ans de vie. Oh, 60 ans de vie, oui, c'est ça. D'ailleurs, vous, il y a 59 ans, Jean-Luc, si vous n'êtes pas encore, vous avez poussé. C'est lourd, ça. Il va dénoncer. Oui, c'est lourd. Oui, on est de la même génération, hein, Jean-Luc, il n'y a pas de souci. Vous avez poussé votre premier cri ici même, dans cette cité lorraine. Ici même, à l'hôpital Saint-Joseph, où tous les gens du coin, si tu veux, sont nés là. À l'époque, mes parents habitaient à Zélange, qui était un petit bled tout près. Mais très vite, on est venu, je ne me rappelle plus de Zélange, on est venu habiter à Arlon. Et c'est vrai que j'ai passé les 12 premières années de ma vie à Arlon. On m'a parlé de café suisse, c'est quoi cette histoire ? Alors mes parents, si tu veux, avaient un peu la bougeotte, et donc ils étaient boulangers, et à un moment donné, ils ont repris un café qui s'appelle le café suisse. Et figure-toi que j'ai appris seulement il y a un an ou deux pourquoi ça s'appelait le Café Suisse, parce que ça n'avait pas... Et pourquoi pas... Mais le quartier, donc ouais. En haut du Saint-Bramant, donc là derrière il y a le Palais de Justice, derrière il y a le Saint-Bramant, le Square Rena Street, et puis il y a le Café Suisse, ça s'appelait le Suisse, la région près du musée... Le musée gallo-romain. Ouais, alors c'est incroyable parce que juste avant le flash de 16h, on faisait l'interview de Gilles Le Suisse, oui. Qui est un collègue, qui me disait la prochaine émission, c'est à la une, qui va passer sur la RTBF. On l'a tournée à Torremolinos et on a pris comme indicatif de l'émission la célèbre chanson de Jean-Luc Font. Donc il y a une connexion entre vous et la Suisse, quelque chose de... Voilà, avec un petit crochet par Torremolinos, c'est incroyable. Ça devient surréaliste. Oui. Je trouve que c'est merveilleux. Alors, tu sais que quand on va en France, ils ne savent pas dire Torremolinos, hein, c'est Torremolinos. On ne sait pas pourquoi, mais c'est Torremolinos. Et donc, on leur explique. Mais les Suisses sont merveilleux. Hein. Ils sont merveilleux, mais on ne peut pas jouer assez fort chez eux. Hein. Tu sais bien, ils sont très limités au point de vue des décibels. On parle des Suisses, on parle du fromage, des banques. Non, le problème, c'est les décibels. D'accord, pas, c'est ça, tout dans, c'est le secret en fait. Oui, il y a le secret bancaire, mais le secret musical. On joue, mais pas trop fort. Doucement, si tu veux que les gens n'entendent pas, si tu veux qu'ils puissent manger. Non, mais Arlon, attends, c'est merveilleux. Et tu sais que quand je repasse ici, je me revois petit. Faire les mêmes trajets, mais les trajets étaient beaucoup plus longs quand j'étais petit parce que j'avais des plus petites jambes. Et tu sais, 100 mètres quand t'es petit, avec des jambes que tu ne fais que 20 cm. Oui, c'est sûr. Hein, quand t'es plus grand, tu vois ce que je veux dire, donc c'est assez mathématique. Et donc, il y a eu mon école qui était ici tout près, l'Institut Sainte-Marie, chez les frères Maristes, où il y a eu des gens célèbres. Il y a Benoît Lutgen qui a, tu vois, ça mène à tout. Hein, d'aller là. C'était la grosse école. Vous chez les frères? Oui, chez les frères, oui. Ah, c'est du mal à imaginer. Il n'y avait pas de filles à l'époque. Hein. Tu sais que pendant des années, il m'a fallu des années pour comprendre que mes sœurs étaient des femmes. Donc vous et Benoît, non? Non, il était quand même plus jeune. Il n'était pas là. Que quoi, Benoît et moi? C'est spécial comme émission, hein. C'est très spécial. C'est de l'humour gros aussi, donc voilà. Dites, si on revient, Jean-Luc, par rapport à l'album et par rapport à la tournée, vous l'avez testé déjà. Il y a eu des dates. Six dates. Non, je vais te dire la vérité, on n'a jamais... C'est la première fois qu'on joue en public de notre vie, mais on fait croire aux gens qu'on joue un peu partout. Parce qu'avec Internet, maintenant, on dit, on a joué vrai. Là, c'était merveilleux. Non, c'est a... pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Écoute, on joue. Alors, on ne fait pas que des nouveaux morceaux. On fait aussi des vieux, des standards, des gold. Hein. Années 70, années 90, ça vous avez fait Années 70. Hein. 70, ah oui. Attention, mon petit bonhomme. Années 70, on fait des tartines, on fait Emily Deken. Je ne sais pas si on fait aujourd'hui, je n'ai pas la liste. Mais on fait... Alors, un des plus grands tubes de cet album, c'est Appuyer sur le mouton. Ah oui, c'est ça, j'ai entendu ça. Un morceau, Moi, je me demande toujours, Adrien, vous posez certainement cette question, comment est-ce qu'on fait pour être certain que le jeu de mots qu'on va employer n'a pas déjà été employé comment ça, et comment on fait ça? Comment on sait que c'est... Je suis papa de ce jeu de mots, c'est à moi. Oui, ben écoute, ça, difficile. Évidemment, il y a toujours un certain danger. Est-ce qu'il y en a certains qui sont venus vous voir en disant, et ça, je l'ai dit avant vous, hein? Est-ce qu'il y en a, non? Ce qui arrive parfois, c'est que j'en vois et je me dis, mais enfin, j'aurais dû penser à ça avant, tu vois. Dans Nuit de Port-Jartel, par exemple, je me rappelle de. Et je me dis, mais enfin, c'est un scandale. Et Rokaruntasiev, il y avait un groupe qui avait fait un morceau Rokaruntasiev. Je me dis, c'est trop tard, c'est pris. Ouais, oui. C'est ça. Mais autrement. Non, et alors le problème, c'est que je vais parfois voir sur Internet pour voir si ça existe. Ouais. Mais tu sais qu'au plus tu recherches des choses, au plus il va dans le sens de tes recherches. Donc il ne regarde plus mondialement comme si tu étais vierge. Tu vois? Et donc je cherche un système pour remettre mon Google à zéro. À zéro. Un reset, quoi. Un reset, donc, un reset si quelqu'un de Google. Peut me dire comment on fait Google ouais, c'est à zéro. Ça. Ouais. Parce qu'autrement, si chaque fois que tu mets quel est le plus grand chanteur du monde, c'est moi. Après, tu poses la question, quel est le plus grand chanteur du monde, Jean-Luc de Stella, tu dis, bah oui, évidemment. Mais c'est comme ça qu'on bâtit une carrière. Mais oui. Voilà, mais pas mal. Cela dit, vous avez aussi l'avantage, Jean-Luc, d'être dans un pays où il y a plusieurs langues. Par exemple, le fameux bateau qui s'appelle Teram, ça passe chez nous, cet humour-là. Ah, le beau Teram, oui. Le beau Teram, oui. Par contre, ça passe assez mal en France. Oui, mais c'est bizarre. Tu sais qu'on a joué à Saint-Étienne et après le concert, il y a une dame qui m'a demandé si on chantait si on parlait en français ou en flamand. Après le concert, j'ai trouvé ça un petit peu vexant, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux. Il faut un certain temps. Là, on est au début de la carrière, donc peut-être au fur et à mesure des années, on arrivera à faire comprendre cette espèce d'esprit étrange. Oui, alors on dit début de la carrière, je ne voudrais pas nous vieillir, mais c'était au début des années 80, je dirais même fin. enfin, on va se fâcher, Jean-Luc, mais quoi, c'est 35 ans que t'es là ? Non, c'est plus, j'ai commencé en 75. Ah, c'est ça. C'est plus de 40 ans ? 40 ans ont été fêtés. Ça va faire 42 au mois de mars. Oui, c'est ça. Tu te rends compte ? Et alors, 14 albums, c'est plus que les Beatles. Ça, jamais personne ne nous le dit. Oui, c'est vrai. Même Google ne le dit pas. Même Google, non, ne dit pas. Tiens, quel est le groupe qui a fait plus d'albums que les Beatles là ? Il y en a des tas, mais pas nous. Oui, 42 ans bientôt, tu te rends compte ? Et je trouve ça merveilleux parce que ça permet de faire tellement de choses. Et le premier concert, c'était ici. C'est ici que sont nés déjà dans. Parce que vous jouez, non, vous jouez comme des, c'est vous qui l'avez dit, comme des caves, non ? Dans des caves. Ah, comme des caves, oui. Vous avez répété dans les caves. On répétait dans un sous-sol parce qu'on jouait comme des caves, c'est ça. Donc, il y a une certaine logique. Non, en fait, quand j'étais ici, alors ça, c'était un scoop. Je faisais partie d'un club d'athlétisme. Non. Oui, je ne crois pas. L'Athletic Club Owens, l'ACO. Tu vois, en hommage à Jesse Owens qui. Et donc, oui, j'ai fait. Et alors, c'était merveilleux parce qu'on faisait des crosses, tu vois. En été, on courait un peu sur piste et on faisait du lancer du poids, des machins comme ça. Et en hiver, on courait, c'était du cross. Et alors, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais quand tu as les départs de cross, tu as 150 petits gars sur une ligne. Et 20 mètres plus loin, il y a un mètre de large entre les. Et donc, notre travail, c'était de. Jouer des coudes. De jouer des coudes pour bousculer les autres, pour laisser passer nos favoris. Donc je mets bien. Ouais, mais on ne parle jamais de ma carrière sportive. Hein. C'est étonnant. Je trouve que c'est un peu. D'ailleurs, vous avez dû choisir entre Rio ou le beau vélo. C'est-à-dire, il y avait les deux, ça tombait en même temps, et vous avez choisi le beau vélo. Je ne pouvais pas être ici à temps de retour, donc je suis resté ici. Et puis tu as vu comme j'ai roulé tout à l'heure. Oui, exceptionnel. C'est 25 km. Et quel est l'endroit entre la chapelle Notre-Dame du Bel Amour, Guirch, Frassem, tous ces petits villages, Clairefontaine, quel est celui qui vous le tient le plus à cœur, Jean-Luc ? Alors, si tu veux, c'est sur la route de Messancy, il y a une petite chapelle, parce que mes grands-parents tenaient un bar sur la grande route qui s'appelait le Bambou Bar. Et qui est connu maintenant, qui est devenu après l'univers du cuir. Enfin bon, tu sais. Et à côté, il y avait une petite chapelle. Et c'était mon grand-père qui avait la clé de la petite chapelle. Et quand j'étais petit, parfois j'allais ouvrir avec lui la chapelle, hein, le matin, et la refermer le soir. Et tu sais, quand j'étais petit, cette clé était énorme. Mais si ça tombe, c'était une toute petite clé. Et je me rappelle de cette. J'ai écrit un bouquin sur la région qui s'appelle Arrête de Métranque, hein, qui parle. Et donc je parle de cette chapelle. Et de la petite clé. Bon, ben voilà. La petite clé. Et il y a 42 ans qu'on le connaît et on apprend tous les jours. C'est dingue, hein, c'est un vrai régal de l'écouter. Hein. Ouais, c'est incroyable, intarissable sur plein de choses et tellement avec tellement d'émotions. Oh là là, quoi. Oui. Avec tellement d'émotions. Bon, je vais mettre la même émotion pour parler quand même des dates de concert. Ah, hein. Oui. Et à mon avis, c'est pas du fictif, c'est du réel. Alors j'ai sur ma feuille le 26 août à Comines, le 2 août, non, ça c'est fini. Le 17 septembre à. Brédeneux. Et le 25 septembre à Destine. C'est sur la plage nudiste. Oui. Et alors on est à Hawaï le 2 août. Le 2 septembre, il me semblait bien. C'est ça qui l'a marqué. Donc le 26 août à Comines. Le 2 septembre à Hawaï. Le 3 septembre à Farciennes. Le 17 septembre à Brédeneux. Et le 23 septembre à Destine. Et on va tourner encore pendant un an. Ah bah oui. Et puis on va prendre une année de pause carrière. C'est vrai ? Mais je trouverais ça génial de prendre une année de pause carrière après 42 ans. Hein, c'est comme. Tu sais que j'ai fait ça dans la fonction publique, hein, j'ai été agent de l'État. J'ai entendu ça. Après ma grande carrière sportive, j'ai été agent de l'État. J'ai entendu où j'étais ça. Président à vie du club de mini-foot, les Ronds de Queer United. Et encore maintenant, on m'appelle président. Voilà. Bon ! Voilà donc pour Jean-Luc Fong. Je vais quand même me régaler à être. Parce que je suis quand même assise depuis 4 heures. Voilà, personne ne se demande si j'ai pas trop mal aux fesses, mais si. Et donc je vais quand même prendre plaisir à aller devant la scène tout à l'heure pour tapoter des mains et me laisser aller du popotin, voilà, devant les grands succès de Jean-Luc. Voilà, avec plaisir. Merci Jean-Luc. À tout à l'heure. À tout à l'heure, hein. Donc je serai là. Là, juste là. Juste là, hein. Ça va ? Oui, juste là. Je vois. À tout à l'heure. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Dis chérie, ouais. C'est une tartine à la confiture ou de la confiture à la tartine que tu dévores là ? Ah je sais, oui, mais la confiture materne, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et oh, n'oublie pas de m'en laisser un peu quand même, hein.

Police sur Vivacité en direct d'Arlon. Nous sommes pour le beau vélo de Ravel. Nous sommes pour cette 9e étape qui s'achève. Nous sommes, il en reste encore 4 donc. Et ici à Arlon, eh bien, mon cher Adrien, il y a Paul et Roger qui depuis tout à l'heure s'affrontent, mais évidemment avec un fair play exemplaire. Et ils étaient vos candidats, Olivier et vous, Adrien. Oui, il y a Paul Lepage et Roger Récollet. Alors, comme d'habitude, avant de donner les résultats, il faut qu'on refasse un peu plus ample connaissance avec eux. Alors, on va commencer par Roger, parce que Roger vient de plus loin. Roger, vous venez du Brabant Wallon. Oui, je viens exactement de Wavre. Alors, vous avez passé toute votre vie à construire des voitures. Oui, dans une... je ne sais pas si on peut dire la marque. C'est une coccinelle, on va dire. Voilà, c'est une coccinelle, ouais, d'accord. Oui. Oui, maintenant, je suis en pension. Depuis quelques semaines. Oui, c'est ça. Depuis cette année-ci, le 1er mai, exactement. D'accord. Je suis en pension. Alors, le 1er mai, ça tombe bien, parce que c'est le jour où vous êtes venu au casting. Oui, exactement. Ah, ouais, ouais. C'est une bonne coïncidence. Le jour d'une nouvelle vie, pour moi, la vie va commencer, on dit, à la pension. Et puis, hop, oui. Vous êtes dit, tiens, pourquoi pas le Luberon. Et vous avez deux passions dans la vie. Oui, c'est la photographie et le vélo. Et on vous doit d'ailleurs pas mal de photos qui se trouvent dans le bouquin du beau vélo de Ravel. Exactement. Paru aux éditions Wirich et écrit par Frédéric Thiébaud. Régulièrement, on va chercher vos clichés parce que je ne sais pas comment vous faites pour à la fois pédaler et photographier. Mais oui, c'est une question d'habitude, tu vois, une question d'équilibre sur un vélo. Oui. Vous faites combien de clichés par étape généralement? Oui, à peu près 200-300. 200-300 par étape? Oui. Et il fait une dizaine d'étapes par an. Oui. Ouais, ouais. Donc vous voyez, 2000 clichés l'année. Et ça fait combien d'années que vous faites le beau vélo? 16 ans. Oh là là, bon Dieu de bon sang. Bon Dieu de bon sang. Il est. Oh là là, 2000 fois 16, vous imaginez? 320 000 clichés. On compte plus pour finir. Non, c'est ça. 2000 fois 16, attendez, je suis non, 32 000. Je suis assez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup, hein. 2000 fois 16. Moi, je dirais 30. Oui, c'est ça, on est dans les 30 000. On est dans les 30 000. 32, ouais, non, c'est franchement pas mal, hein, Roger. Voilà, ça, c'est pour Roger. Et puis, Paul. Bonjour, Paul. Bonjour. Alors, Paul, moi, je vous connais moins, parce que c'est une des premières fois. Je me trompe pas que vous venez sur le beau vélo. Non, c'est la deuxième fois. Vous êtes déjà venu il y a quelques années dans la région. Et il y a 8 ans. Oui, eh ben, je suis venu à ce moment-là. Avec le groupe Peps, je me souviens bien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que je sais, je le vois sur votre t-shirt, que vous êtes président du cercle de tir arlonnais. Mais à part ça, Paul? Ben, c'est sûr, essentiellement ça, c'est le fait qu'on s'entraîne. Le bien-être, pour moi, un passionné, c'est faire de la marche, c'est faire du vélo, c'est bien se nourrir, c'est ainsi de suite, c'est faire du sport, et je suis un passionné de tir. Mais le tir, c'est vraiment le tir de précision, la maîtrise de soi, concentration, c'est ça, c'est pas du tir pour tirer, non, c'est vraiment question de vraiment se concentrer et se maîtriser. C'est pas juste pour tirer un coup, quoi. Non, justement, non, c'est 60 coups, c'est un match. Oui, franchement, pas mal. Et quoi, c'est tir à la carabine? En pistolet. Au pistolet, ok. Pistolet, et sinon... 10 mètres, au pistolet 50 mètres, quoi. D'accord. Et sinon, vous aviez un autre métier? Moi, je travaillais à la banque. Un banquier. Au Luxembourg? Non. Ah non. Justement, j'avais la possibilité d'aller au Grand-Duché. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir vivre en famille. Donc, il faut que je puisse m'occuper de mes enfants, pour avoir faire quelque chose sur le côté, faire du tir, faire de la marche, faire du vélo. Et si vous allez au Grand-Duché, vous devez vous lever à 7h, 6h du matin et vous rentrez à 7h du soir. Ben, la vie n'est plus possible. Ça, c'est pas une vie qui me convient. Donc, je privilégie la convivialité, le bien-être de la famille, de soi-même, plutôt que de gagner un peu plus d'argent, quoi. Pas mal comme philosophie. Hein. Oui. Il prend la vie du bon côté. Absolument. Hein, Paul. Avant de donner le résultat, si on allait sur scène, prendre un tout petit peu d'ambiance avec Selena et Sophia. Les deux sœurs italiennes, belgo-italiennes. Oui. Chapelle Lerléman, exactement, ouais. Avec une voix en effet très particulière. Hein. Selena et Sophia. On va arrêter de faire monter le suspense, donner les résultats de la première épreuve. C'était le défi sportif qui opposait Paul à Roger. C'était du hockey sur gazon. Roger, aïe aïe aïe, je sais pas ce qui s'est passé, mais... J'ai marqué un goal, et mon collègue a marqué sous le bâton, on lui a compté le goal, donc... D'un côté, bon, je ne sais pas si c'est logique ou pas, ou bien c'est moi qui suis mauvais perdant. Non, c'est pas question d'être mauvais perdant, c'est qu'on a des moniteurs de l'ADEPS qui comptent. C'est, ça, donc, c'est eux qui font le résultat. Ouais. Alors, il y a eu 6,8 pour vous, Roger, et 10,1 pour Paul. Ouais. Là, bon, c'est comme ça, hein, c'est le résultat donné par un jury de moniteurs. Le quiz culturel, Paul de la région, forcément. C'est ça, je connaissais un peu plus la région et j'ai eu plus facile dans les questions sur les alentours de Darlon. Tandis que pour le Luberon, comme j'étais, je dépannais et qu'on m'a averti seulement hier que je vais participer, j'ai pas assez de temps pour pouvoir potasser la région du Luberon. Alors là, j'ai pas su répondre. Donc vous marquez 3 points et Roger marque 2 points. Et sur le pump track, c'est quasiment égalité. Là, vous flirtez tous les deux avec les 3 points. Donc, si on additionne, ben voilà, c'est Roger qui s'incline, c'est Paul qui gagne. Oui, mais c'est bien. Voilà, c'était inattendu parce que vraiment, depuis hier, c'était pris. Vraiment, c'est une très grande surprise, vraiment. Je serais très heureux de pouvoir aller du vélo dans cette région-là. Parce que hier, vous ne saviez pas que vous alliez participer. Non, du tout, je ne savais pas du tout. Donc, je l'ai appris hier soir, parce que je l'ai participé. Donc, ça, c'est vraiment la grosse surprise, quoi. Ouais, le dépannage last minute, parfois, la vie fait des beaux cadeaux. Bon, ben, Roger qui s'incline avec émotion, avec le sourire. Oui, un peu déçu, mais enfin, c'est comme ça. Oui, c'est la vie. Mais vous ne perdez pas tout, Michael. Mais oui, Roger, maintenant, qui est un habitué du beau vélo de Ravel, c'est que sur le beau vélo de Ravel depuis maintenant quelques années, il y a 365.be qui est là. Oui, c'est quoi la consolation? Oui, d'accord. Voilà, donc avec un beau passeport qui donnera droit à deux personnes à aller découvrir toutes les attractions et les musées à travers toute la Belgique jusqu'au 31 mars 2017. Plus, et maintenant vous êtes pensionné, Roger. Prochain casting, c'est le 1er mai 2017. il faut se réinscrire. D'accord. Ce sera où? Oui, ce sera. On ne dit pas encore. On ne dit pas encore, mais ce sera aussi une très belle destination. Donc il faut s'accrocher, on ne peut pas marquer du premier coup. Non, mais c'est bien. Pas toujours. Oui. Bah, jamais 203. Ouais. Jamais 203. Ça ira à la 3e. Ne vous inquiétez pas. Et encore toutes nos félicitations à Paul. Paul, est-ce que vous avez déjà découvert le Luberon? Oui. Et j'ai découvert il y a 10-15 ans avec ma famille, avec les enfants et 3 enfants, on a été faire découvrir cette région-là. Là, je trouve bien un très bon de Gordes, quelques villes qu'on a été promener dans la région avec la cigale et tout ça, le soleil, c'était magnifique, quoi. Les enfants ont vraiment retiré vraiment une bonne une impression de ah oui, quand est-ce qu'on y retourne? Et vous retournerez pas une fois sans eux, hein. Il faut se faire plaisir. Très grands, oui. Maintenant ils ont 25-30 ans, donc on va plus y aller maintenant avec eux, donc non. Et en plus, ceci lui, c'est la meilleure période hors saison, hein, du 22 au 28 septembre, quand les vignes commencent à prendre de belles couleurs et que il y a plus trop de touristes pour découvrir ces petites routes de Provence et le Luberon, Cavaillon, Manosque, Fort-Calquier et Roussillon, ça va être très joli. Et là, il y a des auditeurs qui se disent, eh bien, nous allons y aller aussi, parce que c'est vrai que les auditeurs partent encore ici à la fin du mois d'août et même en septembre. C'est une région, en effet, qu'on parcourt en toute saison, mais comme vous le dites, c'est vrai que c'est un peu moins fréquenté au mois de septembre. Bravo encore une fois à Roger et Paul qui part avec son... Son lot de consolation, comme on l'appelle, mais qui est pas mal non plus, puisqu'il va pouvoir découvrir les attractions de 365.be grâce à ce cadeau remis chaque semaine aux perdants de la journée. Voilà, dans quelques instants, on continue un peu à vous parler de l'ambiance qui se déroule ici à Arlon. Chez Cora, les petits prix ne sont jamais en vacances, et surtout pas avant la rentrée. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du beau vélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Télé sur la Une, Gisèle Bündchen, la top modèle à 350 millions d'euros. Une icône pour les jeunes brésiliennes candidates au titre de Miss. Monaco, découvrez en exclusivité le quotidien stressant des riches de la planète. Les carnets du Bourlingueur, ce samedi sur la Une. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. ce samedi dès 18h. Courtrai, Club de Bruges et Moucron-Perruet, Saint-Tron. Et dimanche, dès 14h, Eupen, Anderlecht et la Gantoise, Westerlo. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Ce dimanche, retrouvez tous vos artistes préférés en live. De 18h à 20h, Vivacité est en concert. Vivacité dans le Hainaut occidental. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Les âmes en peste lit en lit. Dans les hôtels, sur les parkings. Pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine. Des coups de blues, des coups de fil. Tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros. Les gratte-ciels nous regardent de haut. Comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se cette même heure où les cœurs se vident. Ces nuits où les promesses se disent. Aussi vite qu'elles se dilapident. Des coups de blues, des coups de fil. Tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros. Les gratte-ciels nous regardent de haut. Comme un sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Louane, avec maman. Sylva est venue nous rejoindre, auteur, compositeur, interprète, ingénieur du son, arrangeur, musicien polyvalent. Vous êtes un artiste complet, en effet, qui ne laisse personne indifférent, ni les professionnels de la radio, puisque vous êtes un artiste vivacité. C'est vrai, oui. Sylva, bonjour à vous. Bonjour. Alors, le tour de chant, il est fait alors? Oui, c'est fait. Ça y est, c'est fait, c'est passé. Je suis un peu triste d'ailleurs parce que l'ambiance était vraiment super bonne et voilà, ça fait toujours un peu bizarre. Difficile quand de s'arrêter. La scène, ouais. Vous ne vous êtes pas arrêté pour nous, hein? Non. C'est comme ça, c'est parce qu'on a un timing à respecter. Donc, Sylva, bon, 22h22, c'était avant, évidemment, puisque maintenant il y a déjà des nouvelles choses qui tournent. Enfin, c'était le troisième album de 2015. Voilà, vous êtes un peu superstitieux, vous aimez faire des vœux. C'est un chiffre qui me poursuit quand même pas mal, le 22. Et, c'est vrai que chaque fois que je regardais l'heure, il était 22h22 pendant l'élaboration de l'album, à chaque fois. Oula. Et donc du coup, ça vient de loin. Moi qui crois aux signes de l'univers, ça, si vous m'avez dit ça tout de suite, on aurait pu faire vraiment une conversation que là-dessus. Alors, et c'est ce qui est génial aussi avec vous, c'est que les internautes ont donné leur avis. Vous avez vraiment associé votre public naissant à tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Oui, mais en fait, on s'est demandé avec ma maison disque, mais qu'est-ce qu'on va faire pour lancer vraiment l'album et pour choisir le single. D'habitude, on passe par des directeurs artistiques qui choisissent Oasis, les radios, etc. Et là, on s'est dit, ben, finalement, comme c'est quand même le public qui écoute la radio, ben, on va faire une espèce de une pseudo-émission où je vais chanter 4-5 titres et les gens vont choisir. Et donc, voilà, ils ont choisi. C'est génial, ça. Alors maintenant, on s'intéresse surtout au nous, au même monde. C'est votre nouveau single, hein, avec la préparation d'un clip vidéo. Et là, il y a une particularité par rapport au clip. Ben, à mon avis, je ferai sûrement partager, enfin, participer aussi. Les gens, ah, ouais, comme je fais souvent. Ben, ouais. Voilà, donc on ne va pas changer une formule qui gagne. Non, c'est vrai. En quelque sorte, donc voilà, des concerts à venir, voilà, vous étiez pas mal en concert déjà depuis la fois dernière avec ce troisième album, et puis voilà, vous, c'est vrai qu'on vous a aussi connu du temps, on ne peut pas dire ça, parce que avec Wendy Nazaré. Oui, mais en fait j'ai une deuxième petite carrière de musicien, de producteur artistique, donc je travaille beaucoup avec Wendy Nazaré, avec Jean-François Maljean, avec pas mal d'artistes, et donc j'ai déjà fait le beau vélo, mais j'étais à la batterie, à la guitare, et voilà, aujourd'hui je suis un petit peu plus devant, donc ça fait plaisir aussi. Et le même monde, ça va parler de quoi en fait? Ça parle de quoi le même monde? En fait, le même monde, il y aura un clip un petit peu contrasté parce que ça parle justement du pôle positif-négatif qu'il peut avoir dans une relation. Et justement, je vais essayer de jouer un petit peu sur ça au niveau du clip. Mais j'ai pas encore toutes les idées, mais ça va venir. Bien, ben voilà, Sylvain, hein, un artiste complet, c'est vrai, comme oui, je l'ai dit. Et qu'on retrouve régulièrement sur le beau vélo. Moi, je me souviens d'une étape à Perouet, entre autres, une région... Mon fief, hein. Voilà, du Brabant Wallon, où nous serons de retour le 3 septembre. Je passerai vous dire bonjour. Ah, voilà, ce sont vos racines. Hein. Il faut souvent retourner arroser ces racines. On a besoin de ça, c'est vrai. C'est important. Sylvain, ben voilà, auteur, compositeur, interprète, qu'on voit aussi derrière d'autres artistes, musiciens. Ben c'est bien, merci d'être venu nous dire un petit bonjour. Merci à vous. Et on se revoit dans 15 jours alors, je passerai à Perouet. Alors avant ça, s'il faut jeter un petit coup d'œil sur le calendrier. Avant ça, on fait un crochet par Mété Faustaville. Ce sera la semaine prochaine, le grand week-end de Cap 48 avec Suarez. Elle a aussi des retrouvailles avec un artiste qu'on aime bien, Marc, qui sera là avec un nouvel album, un nouveau concert à présenter. Et juste après, le 10 septembre à Liège, avec Alice On the Roof qui chantera avec l'Orchestre Philharmonique de Liège et les chœurs de l'Opéra. Ça va être aussi un très très beau moment avant de terminer en apothéose à Bruxelles le 18 septembre avec, comme d'habitude à Bruxelles, mais on ne change pas, une formule qui gagne, Magic System, mais aussi Willy William et d'autres artistes qui viendront étoffer l'affiche, la dernière de la saison. Voilà, on est vraiment très heureux d'avoir été à Arlon. Est-ce qu'on on reprend un petit peu encore bonne idée. De l'ambiance, de ce qui se passe sur scène, toujours avec Selena et Sophia. Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.